ça ne va pas. Pas tout. Normalement, oui. Au moins, un article dans le BBF, deux articles dans les bateaux. Au moins, dans les bateaux, je pense. C'est une boucle, mais c'est. Ça fausse. Ah non. On va dire des bêtises. Ça bon, bah, retardé. Ah, des tatouages. Personne. Il y a des personnes. Je pense que ça va pas le faire. Ouais, tu crois que ça va pas durer. Oui. D'expression. Ben c'est ça. Non, c'est la nouvelle idole. Puis il a posé le machin, c'est barré pour dire. Ouais, quand on est barré au mur, on s'est prosterné devant et vous dites votre nom. Et il faut reconnaître. Il y a ça. Non, il va falloir faire une blague avec ça. En fait, c'est la loterie tous les ans. Ouais. On appuie dessus, c'est rouge. Et il y en a un sur deux qui enregistre. Mais on ne sait pas lequel. Donc vous pouvez y aller. C'est une chance sur deux que vos paroles soient stop. Vous aviez ? Oui. Es-tu prêt ? Je suis prêt. Alors. On a 1h30 ? Oui, c'est ça, c'est 1h30. Donc, comme il est l'habitude dans ces ateliers, on va faire une petite introduction très rapide, à la fois pour vous rappeler des éléments de contexte. Et puis aussi, peut-être, après on aura un échange, et puis qu'est-ce qui nous attend par la suite, quel rôle les bibliothèques peuvent avoir, on va dire, dans la deuxième phase de cette réforme territoriale, puisqu'il y aura des conférences territoriales, dans lesquelles je pense qu'on pourra, à travers nos élus, faire remonter un certain nombre de choses. Bon, peut-être on commence juste très rapidement, sur l'historique, puisqu'on est à l'acte 3 maintenant, le fameux acte 3 de la décentralisation. L'acte 1, c'était 82-86, si je ne me trompe pas. Ce qui est important à ce moment-là, c'est surtout la décentralisation des bibliothèques départementales, enfin BCP, qui sont devenues bibliothèques départementales de près. Et donc cette décentralisation a été actée dans le Code du patrimoine, sur lequel il est explicitement écrit que les bibliothèques centrales de près sont décentralisé auprès des conseils généraux. C'est ça. Transféré auprès des conseils généraux. Transféré auprès des conseils généraux. Et ça prend une ligne dans le code du patrimoine. C'est important à mémoriser ça. Voilà. Et donc pour l'instant, ça n'est pas remis en cause dans l'état actuel des choses. La compétence culturelle reste partagée, sans exclusivité ni chef de file. Donc ça veut dire que la lecture publique, qui est une, a priori, compétence culturelle, reste partagée aussi à tous les niveaux. Ce qui impacte aussi, c'est la mise en place des métropoles. Donc là, par rapport à ce que je vous disais avant, il y aura des impacts très variables pour la lecture publique. Rien du tout, dans beaucoup de cas. Dans d'autres cas, il y a un partage avec la bibliothèque départementale, où là, ben, c'est une discussion sur qui fait quoi. Les discussions sont parfois en cours. Et puis, comme dans le Rhône, par exemple, où il y a un transfert concret de la compétence à la métropole. Après, il y a la métropole parisienne, qui est un cas particulier. Peut-être certains d'entre vous ont plus d'informations. Enfin, a priori, les grandes agglomérations telles qu'elles existaient sont sauvé, c'est-à-dire avec la notion de territoire, c'est ce que tu disais, avec comme son territoire au sein du Grand Paris, on retrouve un peu les échelles qu'il y avait de métropoles qui peuvent continuer à faire vivre des réseaux. Il n'y a pas de compétences lecture publique au niveau régional, explicite. Rien ne l'interdit, mais tout ce qui est en fait compétences culturelles sera probablement plus orienté comme actuellement vers les industries culturelles, vers les centres régionaux du livre tels qu'ils existent, donc ils vont être redéfinis dans les grandes régions. Mais rien n'interdit qu'une région prenne une compétence lecture publique ou en tout cas octroie des aides, comme c'est déjà le cas dans certaines régions. Voilà, les compétences sont maintenues pour les départements. Pour l'instant, c'est toujours dans le Code du patrimoine. Le point où il y aura le plus de probablement d'évolution, c'est entre interco et commune, où là, il y aura de toute façon le seuil de 20 000 habitants qui va amener à de nouveaux regroupements intercommunaux. Et il y a deux leviers à ce niveau-là. Il y a à la fois ce seuil des 20 000 qui peut peut-être encore évoluer, mais en l'état actuel, il reste voté à 20 000. Il y a aussi la mutualisation. C'est-à-dire, d'une part, il y a le seuil qui a été agrandi, et d'autre part, les communes ont une prime, entre guillemets, de dotation de l'État si elles mutualisent des services. Donc là, l'acteur public pourrait entrer dans cette espèce de pot commun pour bénéficier de meilleures subventions, de meilleures dotations de l'État. Alors là, je vous renvoie au texte qu'a fait l'IABD, qui invite en fait à vraiment être très pragmatique et à regarder territoire par territoire pour garder la proximité. Et on en reparlait à midi avec Ivalix. La proximité reste importante. Ils ont fait un rapport sur les intercos entre 12 et 15 000 qui montre que la proximité reste très importante pour la lecture publique. Et que donc ça, je pense qu'il faudra l'avoir en tête quand on portera un discours auprès des élus. Donc chaque territoire sera différent et en fait devra l'être parce qu'il s'agit vraiment de s'adapter aussi à chaque contexte, à chaque réseau tel qu'il existe, chaque bibliothèque elle existe. Et il y aura des réseaux probablement mixtes dans beaucoup de cas avec des bibliothèques associatives, avec des bénévoles, des bibliothèques professionnelles de différentes tailles. Donc on aura vraiment des réseaux hétérogènes. Il faudra construire ces réseaux probablement par le petit bout, soit par le réseau informatique, soit par l'animation. Enfin, je pense que comme ça s'est déjà fait, il faudra être très pragmatique sur la manière dont l'intercommunalité se met en place. Donc je ne sais pas si tu veux compléter. Moi, je voulais proposer une méthode, puisqu'on a deux petites heures à passer ensemble, c'est que chacun on fasse un tour, parce qu'on se connaît quasiment tous au moins de vue, mais pas franchement dans le détail, ou sur nos fonctions, ou sur nos problématiques, et que chacun dise en une phrase ou deux questions pourquoi il a fait le choix de cet atelier, c'est-à-dire ce qui le préoccupe dans cette question de la réponse territoriale, sachant que les réponses ne sont même pas, je pense, objectivement dans les navettes actuelles entre le Sénat et l'Assemblée. Il y a des choses qui se jouent là, mais il y en a d'autres qui se joueront plus tard. Et que un des enjeux, c'est que nous, en tant qu'association professionnelle, on construise des argumentaires à fournir à nos collectivités, comment on appelle ça, des aides à la décision. C'est une de nos fonctions, d'aider nos élus à faire le bon choix. Voilà. Donc, en commençant par ça, ça nous permettra de ne pas se tromper, parce que sinon, on risque de dire des choses, soit que vous savez déjà, soit que sur lesquelles on n'a pas de réponse. Mais il me semble qu'on peut, là, en deux heures, peut-être, élaborer des pistes, des stratégies, voir comment chacun, dans son contexte, parce qu'on doit avoir des situations assez différentes. Il y a des départements, il y a des communes, il y a des EPCI, je suppose. On le saura ensemble tour. Et puis, on a même représentant de l'État, on a représentant d'établissements publics, enfin voilà. C'est intéressant de voir comment chacun voit cette réforme territoriale et puis qu'on soit acteur dans cette affaire. Juste avant de commencer le tour de table, je vous montre de loin parce qu'on n'a pas de moyens techniques. Il y a une très belle infographie sur la Gazette des communes sur les différentes étapes de la réforme territoriale sous forme d'arbre, avec les années, qui a fait quoi, qu'est-ce qui s'est passé. Donc ça, ça permet de remettre un peu les idées en place. Voilà. Quel numéro ? On mettra le lien. Je mettrai le lien, c'est la Gazette des communes. De toute façon, ils ont tout un dossier réforme territoriale. Donc, c'est un dossier permanent qui se met à jour. Donc ça, c'est le premier chapitre en fait, du dossier. C'est malin de commencer par l'État. Justement, c'est lui qui a tout lancé. Hein. Oui, ben, vous avez commencé, cher ami. Oui. Et justement, bon, quand a été annoncée la réforme territoriale, donc déjà en inspection, et on s'est posé un certain nombre de questions et on a tout de suite eu des inquiétudes. Et nos inquiétudes, c'était autour de, justement du partage des compétences entre les différentes collectivités et de la mutualisation. Puisque, comme vous le savez, à l'inspection, donc on inspecte aussi bien les bibliothèques universitaires que les bibliothèques territoriales. Et pour les bibliothèques territoriales, on a été amené effectivement à voir des bibliothèques restées municipales, des bibliothèques qui sont dans des EPCI, et des bibliothèques bien sûr départementales, avec des cas de figure multiples. Par exemple, dans quelques semaines, je vais aller inspecter la bibliothèque municipale de Montluçon, qui est resté municipal au sein d'une communauté d'agglomération où il a été décidé de mettre en commun le catalogue de 3 bibliothèques. Mais ça s'est arrêté là. Vous voyez, quelquefois on s'est arrêté à l'étape suivante ou encore moins. Donc c'est vraiment très composite. La première question qu'on s'est posée, c'est celle des bibliothèques départementales, justement. Parce que la première annonce, si vous vous en souvenez, c'était celle de la disparition des départements, la suppression des départements. Or, parallèlement et avant même que soit annoncée la réforme, on nous avait dit que le ministère de la Culture donc, travaillait sur un projet de réforme du Code du patrimoine. C'est toujours d'actualité, hein, ça va sortir, c'est une nouvelle loi sur le patrimoine. Et à l'occasion de cette nouvelle loi sur le patrimoine, un certain nombre de textes relatifs aux bibliothèques devraient faire l'objet d'un petit toilettage. Il n'y a pas de réforme en profondeur. Mais par exemple, pour reprendre ce que disait à l'instant Xavier, il était question dans la première mouture de ce projet de loi patrimoine de supprimer les 2 articles du Code du patrimoine qui disent que les bibliothèques départementales sont gérées par les conseils généraux, premier article, et deuxième article, qu'elles sont soumises au contrôle technique de l'inspection. Parce qu'il ne faut pas oublier celui-là. Non. C'est en vertu de cet article qu'on les inspecte. Deux lignes. Pourquoi on s'est inquiété ? Parce que entre 83 et 86, hein, quand a été faite la réforme, puisque elles sont devenues départementales, effectivement, le 1er janvier 1986, il a été donc décidé de transférer les bibliothèques centrales de prêt, qui étaient les services de l'État, aux conseils généraux, ce qui a justifié ces 2 articles. Les juristes avisés, qui ont été consultés, disent c'est un transfert de compétences obligatoires. C'est-à-dire que dans la mesure où l'État, qui assurait cette compétence, la transfère avec les moyens aux conseils généraux, les conseils généraux sont tenus d'assurer la continuité. Ils peuvent laisser dépérir leur bibliothèque progressivement. Aucun ne l'a fait. Mais ils ne peuvent pas dire nous n'assumons pas cette compétence. Et donc, on a alerté le ministère en disant si on supprime les 2 articles, il ne faudra pas 3 semaines avant qu'un premier conseil général dise il n'y a plus de bibliothèque départementale. Voilà, donc c'est en discussion. Mais ça veut bien dire que, effectivement, l'éventualité d'une disparition des départements était une menace pour la survie des bibliothèques départementales, comme pouvait l'être de la même façon l'éventualité d'une modification du Code du patrimoine. Aux dernières nouvelles, on ne supprime plus les départements, on ne modifie pas leur compétence lecture publique, on ne leur enlève pas leur compétence lecture publique. En fait, on ne va pas changer. Alors maintenant, il faut veiller à ce que le Code du patrimoine ne soit modifiés ne soient pas en contradiction, qu'ils soient modifiés avec prudence. Donc, pour compléter juste ce que tu disais, c'est l'IABD a été auditionné par le service du livre et de la lecture en ce sens. En ce sens. Donc, on a dit, nous, il faut maintenir ces articles en l'état. Ah, vous l'avez dit. On l'a dit. L'IABD l'a dit, c'est important. L'IABD l'a dit. C'est important parce que l'inspection l'a dit également, et le service du livre ne semblait pas tout à fait convaincu. Donc, c'est un tiers groupé. Oui, et puis là, à la fin de la conversation, il semblait plutôt convaincu. Bon. Alors, un autre point que je voulais souligner, ça c'est aussi en partant de mon expérience d'inspecteur, c'est les intercommunalités et les métropoles. Donc, Xavier y a fait allusion aussi. J'ai eu l'occasion de faire une mission d'inspection vraiment intéressante sur le réseau de pleines communes, Seine-Saint-Denis. C'est 9 communes, Saint-Denis étant la plus grande, 400 000 habitants, 25 bibliothèques, 3 bibliobus. C'est un réseau vraiment extrêmement dynamique qui a été pris en charge en 2005 par l'intercommunalité, qui s'appelle pleine commune. Donc, alors il y avait 8 communes, et il y a de la Saint-Ouen et les Arjouins il y a quelques années. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'ils n'ont pas transféré la compétence culture à l'intercommunalité, ils ont transféré la compétence lecture publique. Un point, c'est tout. La culture est restée entre les mains des communes. Et donc, si vous regardez l'organigramme de pleine commune, vous avez une direction de la lecture publique. Oui. Qu'on invite régulièrement. Qui est directement rattachée au directeur général des services. Or, dans la première mouture de la loi MAPTAM, donc la loi métropole, d'extension de métropole avec le chapitre métropole du Grand Paris, on crée une métropole du Grand Paris avec Paris et les 3 départements de Petite Couronne, et on divisait la métropole en territoire, qui devait avoir au moins 300 000 habitants et être composé de communes d'un ensemble d'un seul tenant. Et ces territoires n'avaient pas de personnalité juridique. C'était en fait des services administratifs de la métropole. C'est-à-dire que c'était seulement l'assemblée métropolitaine qui avait effectivement la main sur les budgets, sur les décisions, etc. Donc il y a une bataille qui dure maintenant depuis un an et demi pour donner au territoire une personnalité juridique. Ce qui semble acquis dans la dernière version. Donc par exemple, en Seine-Saint-Denis, le réseau pleine commune pourra continuer d'exister. Il ne sera plus le réseau de l'établissement public de coopération intercommunale de pleine commune, mais il sera le réseau du territoire. Ça va être la même chose pour la plaine centrale du Val-de-Marne, c'est-à-dire Créteil, Maisons-Alfort, etc. Ceci, c'était simplement pour illustrer le fait que la réforme territoriale, telle qu'elle a été engagée, avec les débats au Parlement, les allers-retours, etc., n'a jamais pris en compte nos préoccupations, qui sont trop petites. C'est-à-dire par exemple, dans les intercommunalités, la place de la lecture publique, c'est peu de choses. Même à pleine commune qui a eu une direction, c'est peu de choses. Pour les départements, je ne sais plus quel article rappelait que les dépenses sur le budget d'un département en moyenne, 60% du budget, c'est l'aide sociale. Donc la culture, c'est une petite chose. Donc se faire entendre, c'est ce que je disais ce matin, se faire entendre, c'est extrêmement difficile, mais c'est excessivement important, parce que sinon on est oublié jusqu'à la fin. Et après, c'est trop tard. C'est pas pour couper le tour, mais effectivement, il y a une distinction entre le poids budgétaire et le poids symbolique. Dans mon département, la culture, c'est 3%. Ce qui peut paraître. Ce qui est déjà bien, c'est 2,2%. Et la médiathèque, au sein de ces 3%, c'est 20%. Donc on est en dessous d'1%. Mais par rapport aux 60% de l'action sociale, ce sont des choix politiques, puisque seul le transfert a été acté. Et que la façon dont les politiques de lecture publique sont développées, tu vas le confirmer pour un département qui est sur le même bord politique, mais qui n'a pas la même histoire, symboliquement, pour la population, c'est un service qui a une existence comme si on pesait quasiment le même poids économique. Donc c'est ce paradoxe aussi qui est difficile à gérer, parce que les élus votent des budgets, mais en ayant à l'esprit aussi des questions de communication et qui sont sans rapport avec le poids budget. Parce qu'effectivement, un budget, c'est 90 ou 92% de dépenses fixe et puis un vote politique sur moins de 10% de la masse globale. C'est une précision, oui, mais effectivement, la culture pèse beaucoup plus dans les débats qu'elle ne pèse dans les budgets. Oui. Et la bibliothèque et la lecture publique, évidemment. Je prenais ces deux exemples essentiellement pour dire aussi que, en fait, quelle que soit la façon dont se résoudra la réforme territoriale, il restera la question de la mutualisation. C'est le plus important. C'est-à-dire que si la réforme territoriale fait quand même des dégâts territoriaux, ce qui est possible, ça ne devrait pas empêcher effectivement de sauver certaines choses à partir du moment où on reste dans l'esprit d'une mutualisation entre les établissements et les collectivités. Voilà, c'était mon premier tour. Et juste pour compléter par rapport à la question de finalement dans les débats, ça a été assez peu évoqué. L'IABD a quand même tenté de saisir les députés là-dessus. Il a été question, je ne sais pas si c'est finalement passé, il y a une députée qui m'avait appelé pour dire qu'elle allait déposer des amendements, mais bon, apparemment, elle n'a pas été entendue, pour inscrire justement la lecture publique, hein, pour rappeler l'importance et l'inscrire. Oui. Et peut-être que ça n'a pas eu d'écho. Voilà. Donc on essaye quand même de faire du lobby. Il faut se méfier aussi de la tentation de l'inscrire à tous les niveaux de territoire comme compétence obligatoire. Parce que ça peut avoir des effets. Je pense que ça, on va le garder peut-être pour la suite. Ouais. Sinon, il ne faudrait pas que ça devienne un dialogue. Oui, tout à fait. Autant pour moi. Alors, je vais essayer de faire rapide, mais moi, je suis là, notamment parce que je travaille avec des bibliothèques départementales, communales, interco et autres. Et là, on est tout le monde sait qui est Yanis. Alors, je pense Yanis Delbos. Alors, rappelle-le alors. Cité de la musique, désormais Philharmonie de Paris, établissement en co-tutelle, ministère de la Culture, Ville de Paris, en Paris. Et dans les projets dont je m'occupe, il y a des ressources numériques et des projets en partenariat avec notamment différentes structures, bibliothèques, conservatoires, et l'idée, donc là c'est une nouvelle mission, l'idée de monter des projets de parcours d'éducation artistique et culturelle avec justement ces différentes structures locales. Alors, ça, c'est élargi aux maisons de quartier dans le 93, et l'idée de trouver des montages à la fois financiers et après opérationnels pour faire bénéficier dans ces parcours d'éducation artistique et culturelle des publics qui seront amenés à passer d'une bibliothèque à un conservatoire, puisque les conservatoires ont des nouvelles missions liées justement doivent toucher les territoires depuis peu. Et l'idée, c'est de faire travailler tous ces gens ensemble, alors que administrativement parfois ils sont pas du tout sous la même tutelle, qu'il y a des initiatives, des conseils généraux qui ont, on va dire, anticipé certaines mutations de nos missions, et parfois des structures locales qui ne travaillent pas du tout ensemble. Et on expérimente, on essaie de voir comment faire travailler tout le monde, et nous y compris, hein, parce que nous aussi on a des restructurations qui font qu'on apprend à maîtriser un peu tout ça. Donc voilà, et étant donné que je suis plus du milieu de la médiation culturelle, de la musique, et pas du tout dans la dimension, on va dire, politique, j'essaye un peu de faire mon cours de rattrapage et de mieux comprendre un peu comment tout ça fonctionne quand on a face à nous des élus, des personnalités qui ont tout ça en tête, tout ce que vous avez dit. Et donc j'essaie d'appréhender mieux tout ça. Je précise pour ceux qui voudraient en savoir plus sur les projets de la Philharmonie, de l'ex-Cité de la Musique, etc., que Yanis fait un poster demain matin. Et voilà, donc maintenant tu peux. Et mon responsable de marketing sur les technologies du web sémantique que nous expérimentons. Mais ça, c'est une autre partie de mon travail que je ne vais pas aborder sur cette table ronde. Donc, à Arsenote, donc je suis directeur de la médiathèque André Malraux et directeur adjoint donc, du réseau de lecture publique sur Strasbourg et l'Eurométropole. Alors, l'intercommunalité, c'est vrai que Strasbourg donc, a développé une carte unique donc, qui concerne en fait 27 communes donc, au sein de son territoire. Donc, c'est un projet donc, existant. Donc, c'était 27, on est à 30 aujourd'hui. Donc 30 communes, il resterait une commune donc, qui est acquise par principe maintenant, qu'elle choisisse en quelque sorte le moment idéal pour elle peut-être pour intégrer ce réseau, donc passerelle. Donc c'est un réseau intercommunal. Alors on est cette fois-ci non plus sur une compétence obligatoire. Donc c'est une compétence justement qui est partielle et donc qui est gérée par une convention qui a été donc votée par chacun des conseils municipaux. Donc la convention passerelle qui régit donc cette, cette intercommunalité, la lecture publique donc, dans Strasbourg Eurométropole. Donc c'est une compétence partielle avec un périmètre, ben, en fait ça tient, la convention ne tient malheureusement pas en, en deux paragraphes ou deux articles, donc elle est assez détaillée, mais en même temps, je dirais les grands principes qui la régissent sont finalement assez simples. Il y a cette notion de carte unique, c'est-à-dire que faire bénéficier à travers une inscription unique sur à la population d'ensemble du territoire un accès à tous les établissements de lecture publique. Donc, et puis l'autre mission, c'est une mission d'animation. Et là, les contours, on va dire, sont, enfin, comme vous pouvez imaginer, le terme d'animation de réseau reste un terme assez confus pour donner lieu à des interprétations, enfin, disons, assez diverses. Donc, c'est vrai qu'on intervient dans le domaine de l'action culturelle, donc notamment à travers le prêt d'exposition que l'on monte au sein de notre réseau. On intervient donc dans une mission de conseil au même titre que la bibliothèque départementale, donc qui est compétente pour la très grande majorité des communes. En fait, il n'y a qu'une seule commune dans les petites communes qui a plus de 10 000 habitants. Donc on est 30 communes. Il y en a donc 17 qui sont donc bibliothèques sur des localités. Je dirais, il y en a une donc, qui a 10 000, enfin 15 000 habitants, puis toutes les autres ont moins de 10 000 habitants. Et donc, il y en a 16 qui relèvent de la compétence obligatoire du département. Et puis donc après, il y a les autres établissements. Donc il y a 10 établissements sur Strasbourg, 3 établissements qu'on disait communautaires aujourd'hui, qui sont de l'Eurométropole. Donc c'est un schéma assez compliqué donc, qui a été mis en place. Mais qui aujourd'hui, alors qui est questionné tout à fait disons, par la réforme territoriale, justement sur ce chevauchement de compétences. Alors j'ai peut-être 3 exemples. Premier exemple, la gestion des ressources numériques. C'est-à-dire que les abonnés de nos médiathèques et des 16 ou 17 communes qui sont sous la compétence également du Conseil général, en fait, dispose de ressources numériques. Donc nous payons par exemple MusicMe puisqu'on est à la CIM et le département paye aussi le service MusicMe. Donc il peut arriver qu'un même usager utilise en fait le même service mais en fait dans les deux réseaux. Mais en fait il fait monter du coup le coût, puisqu'en fait c'est des paiements forfaitaires. Ouais. Et donc si on a ce cas de figure, ben, en fait on va payer peut-être deux fois plus cher qu'il ne faudrait la même prestation. Donc là, il y a logique. On va travailler, donc on souhaiterait préparer une convention avec le département justement pour délimiter peut-être les périmètres d'intervention et indiquer que par rapport à la totalité des communes qui relèvent du Conseil général du Bas-Rhin, les 16-17 communes qui relèvent du réseau passerelle aient en fait un niveau de traitement séparé et que ce soit l'intercommunalité éventuellement donc du réseau passerelle de gérer en fait plus particulièrement ces communes. Mais ça aujourd'hui c'est encore une hypothèse de travail qui n'a pas encore pris un tour complètement officiel, donc il faut qu'on signe une convention avec donc la bibliothèque départementale du Bas-Rhin. Donc ça c'était un exemple. L'autre exemple, c'est on a sur 13 établissements donc un système de gestion informatique. Donc, ce qui nous permet, en termes de catalogage, de gestion des fichiers lecteurs, une gestion assez coordonnée et uniforme. Par contre, il y a encore à côté de ça les 17 autres communes qui ont presque à chaque fois, enfin en tout cas, ils ont tous un système propre. Quand ils en ont, dans certains cas, ils ont cessé. Juste un système qui a été développé en fait de manière presque un peu artisanale, mais Donc c'est vrai que là, on a une étude en cours afin de détendre notre système de gestion informatique à l'ensemble de ces 30 communes. Et ça fait l'objet donc, d'une étude qui était en phase d'opportunité, de faisabilité, et qui devrait cette année passer donc, en phase opérationnelle si on a un avis favorable du Conseil des maires et du Conseil de l'Eurométropole. Donc ça, c'est le deuxième niveau, mais ça montre bien cette difficulté à articuler, ouais. On va dire, les compétences, on va dire, obligatoires, partielles, et donc de ce positionnement qui reste à trouver quand même, un positionnement qui devrait être clair et précis, en tout cas pour les intercommunalités dans le futur. Je dois dire, on est dans une procédure législative, mais qu'on est tous au quotidien dans de la contractualisation et complexe. Et je pense qu'on va continuer le tour, mais ça ne va que rajouter des couches. Alors, je suis Amandine Fontaine, je suis actuellement en recherche de poste, donc je n'ai pas de concret à apporter. J'avoue, je suis plus là pour apprendre que pour émettre. Tu as eu des postes, non ? J'ai eu des postes, j'ai notamment travaillé 5 ans au sein des bibliothèques d'Annecy, qui, depuis l'année passée, ont un réseau... un plus petite taille qui s'appelle Bibliophile, qui regroupe au sein de l'agglomération. C'est un peu particulier à Annecy, vous en parlerez mieux que moi. C'est intéressant. La bibliothèque centrale, qui est la bibliothèque Grandlieu, dépend de l'agglomération, mais les bibliothèques municipales, enfin les antennes, entre guillemets, bibliothèques de quartier, sont restées à tutelle municipale. Pour les bâtiments, le personnel et les budgets d'acquisition dépendent de l'agglo, mais les bâtiments des annexes dépendent de la municipalité d'Annecy. Et personne de Rennes, là. C'est compliqué, mais dans l'autre sens. Ils avaient amorcé une initiative de réseau au cours des années 2000 déjà, qui a été plus ou moins finalisée l'année passée. Donc il y a maintenant un réseau qui s'appelle Bibliophile, qui regroupe 15 bibliothèques sur 13 communes, dont 10 ont le même SIGB, parce qu'ils ont. Il y avait déjà un SIGB commun sur certaines communes. Les bibliothèques d'Annecy ont envisagé de changer le SIGB et donc d'autres communes se sont rajoutées pour créer un plus gros réseau avec circuit de documents, enfin possibilité de circuit de documents. Voilà. Mais ça reste une bibliothèque intercommunale et des bibliothèques municipales. Voilà. C'est tellement exemplaire que la prochaine journée d'études régionales de l'ABF aura lieu à Annecy le 2 ou le 3 novembre, je ne sais plus, lundi, sur la question de l'intercommunalité à partir d'exemple annecyen. Annecyen, merci. Bonjour, donc Claire Griot, je suis responsable de la médiathèque au conservatoire de la communauté d'agglomération de Mantes-en-Yvelines. Je viens à cet atelier parce qu'il y a pas mal de questions en ce moment sur le territoire, vu que cette communauté d'agglomération n'existera plus en 1er janvier, puisqu'il y a fusion entre plusieurs communautés d'agglomération de communes pour créer... les grands pôles, les métropoles. Il y aura toute une partie, le nord des Yvelines, a priori, on se dirigerait vers une grande agglomération qui s'appellerait Seine-Aval, peut-être. Seine-Aval. Ouais. Donc ça pose beaucoup de questions, parce qu'en plus du conservatoire, qui est un établissement qui dépend de la communauté d'agglomération, il y a parallèlement les bibliothèques qui sont municipales pour l'instant, avec un projet commun de mise en réseau, mais c'est assez compliqué que les élus se mettent d'accord pour transférer la compétence. Pour l'instant, on n'y est pas encore. Il y a une coordinatrice qui vient d'être recrutée il y a à peu près un petit peu plus d'un an pour faire cette mise en réseau. Et donc, il y a toutes les questions de partage des compétences et de mutualisation qui se posent, puisque c'est un projet de mutualisation. Mais quelle partie de la compétence lecture publique faut-il transférer ? Quelle partie les élus sont prêts à transférer ? Est-ce qu'ils veulent garder les bâtiments, le personnel, le budget d'acquisition ? Ça pose beaucoup de questions. Et actuellement, je pilote un groupe de travail pour choisir un SIGB commun. C'est la coordinatrice de réseau qui m'a missionné là-dessus. Mais c'est pareil, ça entraîne beaucoup de questions, puisque SIGB commun, ça veut dire des règles communes. Mais des règles communes, si on n'a pas de directeur de réseau qui a une autorité sur le personnel, c'est... SIGB pensé avec portail ou avec portail. Ah, mais c'est un autre groupe de travail, c'est pour ça que je n'en ai pas parlé. Mais effectivement, il y a un important. Oui, c'est deux groupes de travail. Il y a plusieurs groupes de travail, puisqu'en fait, comme il n'y a pas de compétences et que chaque bibliothèque est un petit peu submergée de travail, enfin, sous-effectif, la coordinatrice essaye de répartir le travail pour aujourd'hui, que... Aujourd'hui, les fournisseurs proposent des produits clés en main qui, au contraire, sont plutôt dans l'intégration et qu'on continue à penser les choses séparées. Bah, c'est elle qui a fait ça, en fait, pour partager le travail, mais effectivement, de toute façon, le cahier des charges, on va le rédiger, surtout elle et moi, en mettant bien... Les portails plus c'est plus le SIGV, c'est prévu. Et pareil, on a des au niveau des ressources numériques aussi, il y a un projet de mutualiser les ressources numériques. Et la question de la mutualisation et puis du partage des compétences, du transfert des charges, s'il y a transfert de compétences, tout ça semble très compliqué. Donc je voulais avoir d'autres exemples de fonctionnement aussi. Tu viens te remonter le moral avec des gens. Il n'y a pas de souci, c'est bien. Ça va, c'est plus la coordinatrice qui gère l'aspect politique. Moi, ça sera plus mes techniques. Donc, mais si je peux lui apporter quelques retours d'expérience. Enfin, elle vient du réseau de pleine commune, donc elle a déjà des bonnes notions. Puis elle a fait l'ENSIB, donc elle est parfaite. Quand on a fait l'ANSIB, on est parfait. C'est un autre débat. Tu viendras dans la télé suivante. On continue le tour. Je pense qu'elle connaît beaucoup mieux en fait discussion politique quand on a pas fait l'ANSIB. C'est enregistré. Alors, Anne-Marie Instet, je suis bibliothécaire à la médiathèque départementale du Jura. Alors, je ne vais pas raconter tout. Enfin, je ne vais pas donner tout le fonctionnement de la médiathèque, ça risque d'être un peu long. Simplement pour dire qu'effectivement, on fonctionne en réseau et surtout depuis 1997, où on a voté un schéma départemental de développement de la lecture publique, qu'on a beaucoup, beaucoup incité les médiathèques à travailler en interco et qu'on a financé et des bâtiments, du mobilier et du personnel et que pendant une quinzaine d'années, on a eu beaucoup, beaucoup de créations de médiathèques intercommunales. Donc on fonctionne beaucoup sur le registre intercommunal. Maintenant, ça s'arrête, malheureusement. Enfin, heureusement parce que le réseau est quasi terminé, mais malheureusement parce que les aides sont beaucoup moins intéressantes maintenant, les aides du Conseil général. Donc on a un système de catalogue collectif qui s'appelle Jumel, Jura Médiathèque en ligne. Et puis, on fonctionne encore avec 40 communes en prêt direct, Bibliobus, et on a un petit réseau de 40 médiathèques, puisqu'on est une des dernières bibliothèques à avoir fait du prêt direct en Bibliobus, avec à un moment donné 360 communes desservies, etc. Donc, voilà. Une des dernières. Alors, moi, j'ai des interrogations, parce que donc la réforme territoriale, elle parle de communauté de communes de 20 000 habitants, mais dans les régions rurales, parce que le Jura est un état. Voilà, le seuil est défini. Il y aura des discussions, mais c'est pas encore très clair. Enfin, il n'est pas défini du tout. Il va être en dessous. C'est pas définitif. Non, c'est pas définitif. Discussion. Les navettes ne sont pas terminées. Il va y avoir le seuil devrait être abaissé pour les communes rurales. Oui, il va être abaissé, mais on ne connaît pas le. Non, de quelle manière on ne sait pas encore. D'accord. J'ai aussi une autre question, j'ai aussi une remarque par rapport à... Tout à l'heure, vous parliez de la manière dont sont rédigés dans les statuts le partage de la compétence lecture publique. Donc ça aussi, c'est un problème. On n'a pas beaucoup de grandes bibliothèques, mais au moins la bibliothèque de Lons, de Lons-le-Saunier, donc elle a mis dans son statut une compétence lecture publique complètement restreinte, qui est sur le bâtiment qui a été créé, et on ne peut pas lui demander d'intégrer le réseau des petites bibliothèques qui sont autour. Donc là, on a des problèmes de rédaction dans les statuts et qui nous bloquent un peu. Et puis, alors, j'ai une question sur quel type de mutualisation on peut mettre en place. Est-ce que ça existe déjà? On donnera des exemples. Voilà, on verra. Ouais. Ou un, ou deux, ou je ne sais pas. Ça existe déjà, mais il n'y a pas de règles. D'accord, mais il y a quand même des exemples. Oui. Monsieur. Laurent Remy, je suis discothécaire à la médiathèque départementale de Haute-Marne, en 52. Je me rends compte qu'on a sensiblement les mêmes interrogations, parce que On est sur le voilà, médiathèque départementale, vraiment dans un département très rural, donc voilà, avec les mêmes interrogations. Donc, je pense qu'il y a déjà eu des réponses déjà à nos interrogations. Déjà, rien que là, déjà, j'ai déjà entendu des choses que, là, qui répondaient déjà pas mal à nos interrogations. Bruno Jamais, médiathèque d'ici les Moulineaux. Donc moi j'ai choisi cet atelier pour me remonter le moral, puisque nous on a un fonctionnement extrêmement simple qui est juste communal. En revanche, il y a des interrogations qui se posent par rapport, notamment par rapport au Grand Paris. Est-ce que ça modifiera quelque chose pour nous ou pas? Pour le moment, on ne peut pas le savoir. En revanche, moi je voulais faire un peu avoir des infos sur ce qui se passait. Voilà. C'est pour ça que j'ai choisi cet atelier. Voilà. T'as compris qu'on n'avait pas de scoop, hein? J'ai bien compris, ouais. Vous n'êtes pas du tout en un interco ici, les Moulineaux? On a les conservatoires. On a un groupement de communes qui doit disparaître. Le Grand Paris, c'est l'Ouest, en fait, ça s'appelle. Mais nous, on n'est pas impacté directement. Conservatoire l'est, mais pas nous, quoi, en fait. Enfin, nous, on n'est pas, quoi. Ouais, vous n'êtes pas interco. Nous, on est communal, ouais. Vous êtes communal. On a des animations qui sont faites avec le CG, des opérations l'été dans les parcs et tout, donc ça, c'est avec le CG. Mais si le CG disparaît, c'est pas. C'est pense, énorme pour nous, quoi. A priori, quoi. Maintenant, il y a la question du Grand Paris qu'on nous ressasse tous les jours, qui veut l'entendre, quoi. Avec les conséquences que ça pourra avoir. Enfin, voilà, je sais pas, quoi. Oui, il faut. Si ma mémoire est bonne, il faudrait que je relise le texte de la loi tel qu'il est. Normalement, il faut une délibération de l'Assemblée, alors ce sera l'Assemblée au niveau du territoire, pour décider que la lecture publique, pour prendre l'exemple de la lecture publique, est d'intérêt métropolitain. Si elle est d'intérêt métropolitain, elle monte à la métropole. C'est-à-dire qu'effectivement, les bibliothèques de toutes les communes du territoire montent à la métropole, puis redescendent au niveau du territoire. Il n'y a plus de compétences communales. S'il n'y a pas de délibération décrétant effectivement l'intérêt métropolitain, toutes les bibliothèques redeviennent communales, même celles qui étaient intercommunales. Mmh. C'est tout, rien. C'est ça, l'état actuel de la loi. Ça a peut-être évolué encore. Il y a une deuxième lecture au Sénat et une deuxième lecture à l'Assemblée. Mais oui, voilà, c'est ça. C'est la part de la commission du chapitre métropole du Grand Paris. Moi, jusqu'au mois de juin. Ah oui, d'accord. Au moins. Absolument. Donc c'est propre à métropole du Grand Paris. Mais on a jusqu'au mois de juin. Une solution à ce problème, c'est pas satisfaisant. Il y aura un nouvel épisode à Strasbourg au mois de juin au congrès de l'ADF, puisqu'il y a une session consacrée à ça. Voilà. On refait le point dans les territoires et le congrès de l'ADF. Et à mon avis, avec toutes les navettes qu'il y a encore à faire, on est encore jusqu'au mois de juin. On va voir un peu plus avant le vote solennel. D'accord. Jérôme Lamour, coordinateur musique des bibliothèques de Grenoble. Grenoble vient de passer en statut de métropole depuis le 1er janvier 2015. Échéance 2017 est prévue que les élus se déterminent par rapport aux orientations par rapport au passage en métropole des équipements sportifs et culturels, mais juste voilà, se déterminent, donc rien de très précis. Donc je suis là pour prendre des infos et voir un petit peu, sachant que je travaillais dans une bibliothèque Katabiassine qui est dans un centre commercial. Donc pas réellement inséré dans un quartier, plutôt à la périphérie de plusieurs quartiers, et qu'on n'a pas de vrai vie de quartier. On n'est pas vraiment implanté dans un quartier d'habitation, et que du coup, on se dit que notre positionnement pourrait être intéressant dans le cadre d'un passage en intercommunalité. Parce qu'on avait 60% d'adhérents hors Grenoble, on est passé à 50, c'est un peu diminué, mais voilà, une partie de notre public vient déjà de l'intercommunalité. Alors, Laurence Brice-Malin, je suis en discothèque dans les réseaux de la médiathèque de Metz, des bibliothèques médiathèques de Metz. Donc, en fait, avec les collègues, puisqu'on est plusieurs, on s'est répartis un peu les ateliers. Donc, moi, celui-là m'intéressait. Parce que, oui, je pense qu'on dépend tellement des décisions politiques que c'est intéressant quand même de se tenir au courant. Donc, par exemple, vu les diminutions des dotations de l'État aux communes, on se voit forcément... la culture est forcément dans le parent pauvre, un petit peu dans les communes. Et nous, par exemple, on est un des derniers services culturels à faire encore partie de la commune. Les autres services, donc opéra, théâtre, conservatoire, font déjà partie de la métropole. Donc certainement, sous peu, on en parle déjà, on va y passer. Et ça fait très peur à mes collègues en général. Ça fait plus peur qu'envie, en fait, de passer à la métropole. Quand on parle de mutualisation, ça fait peur aussi, parce qu'on se dit... on va être à la merci des volontés, des envies d'autres services. Est-ce qu'on ne va pas devoir partager des choses qu'on avait à nous et qu'on voulait garder à nous? On partage déjà le catalogue, mais finalement, on ne s'en rend même pas compte. On partage avec les Beaux-Arts et le Conservatoire, mais finalement, quand on voit passer des documents qui font partie du conservatoire, ça passe inaperçu. On ne partage pas. On a juste un serveur commun. Donc, c'est pas pour moi de la mutualisation. Donc il y a plein de questions sur la réforme territoriale. Comment ça va impacter notre travail? Enfin, comment on va être mangé? Faut pas le voir comme ça. C'est une des visions possibles. Mais c'est bien d'exprimer comme ça, parce qu'il s'avère que c'est une vision assez fréquente. Oui. Je dirais pas majoritaire, parce que je suis optimiste, mais c'est une vision fréquente. Oui, c'est ce qu'on ressent. Bon, là, en plus, nous, je sais pas si vous en avez entendu parler sur les réseaux sociaux, de la pétition de la CGT, du syndicat, pour nos budgets qui avaient diminué de moitié à Metz. Ça a fait pas mal de rebondissements. C'est une partie des dangers qui nous attendent, le nuage noir qui pèse sur Metz, sur les médiathèques. Franchement, ça prouve le manque d'intérêt pour nous, agents, des élus pour la culture et principalement pour la culture publique. Donc c'est pour défendre aussi notre métier. On parlait tout à l'heure pendant les tables rondes de la formation des professionnels. Là aussi, on a l'impression qu'on est juste des caissiers aux yeux des élus, qu'on fait juste des prêts, des retours. Ce qui est important, c'est les chiffres, c'est d'être sur les réseaux sociaux, les métiers changent. Mais on ne nous permet pas forcément financièrement de suivre. En nous offrant des formations, nous, quand on en demande, on n'a pas toujours un retour positif. Donc, y a plein de questions, et c'est vrai que la réforme territoriale, faut se tenir au courant pour pouvoir se défendre. Frédéric Lemaire, Vidicimono, comme Bruno, je me suis incrusté un peu dans le groupe, parce que j'avais un gros flou autour de ces notions. Je vois que c'est à peu près normal. Il y a une partie du personnel Simono qui était passé en aglo, puis après je crois qu'il va revenir sur la gestion des payes. En effet, les conservatoires sont en aglo, mais pas les bibliothèques. En même temps, les bibliothèques sont coordonnées pour un tarif à peu près commun, c'est-à-dire que toutes les bibliothèques de la communauté aglo ont le tarif ville pour toute la communauté aglo, leur propre tarif, mais pas extérieur. Donc voilà, j'essaie de voir un peu plus clair dans ce micmac. Je vois que c'est flou quand même, mais c'est intéressant de savoir comment tout ça se découpe. Voilà. Fabien Bioré, donc moi je suis responsable de l'antenne départementale donc du Pays de Morlaix, donc pour le Finistère. Donc les artichauts, les échalotes, pour vous situer un peu. Et les bonnets rouges. Ça se trouve, et les bonnets rouges, voilà, je l'attendais, merci. Et le centre d'impôts qui brûle, mais moi c'est pas. Il y a des festivals aussi. Il y a aussi des festivals, bon. Voilà. Des choses qui bougent. Non, mais des huîtres et tout ça, la mer et tout. Si, si, c'est un peu petit. Si, si, non, on a tout. On a la montagne, on a la mer, on a la montagne. Il n'y a pas d'huîtres à la mer ? Pour donner quelques chiffres, on a donc c'est 283 communes pour le département, donc 4 antennes, puisqu'on a une 4e antenne là qui est en cours de construction. Et au sein du département, donc une métropole, puisqu'on ne fait jamais comme les autres, donc on a une dérogation, puisque Brest est trop petite normalement pour être une métropole. C'est 400 000 habitants. Voilà, mais parce que c'est une, presque une péninsule et qu'il voilà, fallait quand même que le pouvoir puisse aussi se décider à la pointe, Brest devient métropole. Et la seule communauté de. Donc c'est une communauté d'agglomération qui est celle de Quimper. C'est la seule dans le département qui a la compétence lecture publique. Donc moi je suis venu dans ce groupe parce que d'une part département, BDP, on est plus concerné aussi que les autres. Enfin tout le monde est concerné, mais on a été vraiment menacé clairement de suppression des départements sans savoir quelle tutelle on allait avoir derrière. Mmh. Et puis aussi pour un coup de gueule parce que on n'arrive pas, quand on fait notamment des réunions de secteur avec les communes, on est encore sur des logiques de clocher, ou de mairie si vous préférez, mais clocher pour la Bretagne. Les compétences lecture publique, aujourd'hui, personne ne veut vraiment les prendre à une échelle intercommunale ou à une échelle d'agglomération. C'est très très compliqué. Voilà. Donc c'était un peu aussi l'objectif, c'était voir ce qui se faisait ailleurs. Et comme ça reste une compétence optionnelle, c'est le bon vouloir des personnes qui sont souvent maires de communes, mais qui oublient qu'ils sont aussi vice-présidents des comités de communes. Alors moi je suis Sylvette Peignon et moi je travaille à la médiathèque de Gradignan, donc ça c'est en banlieue bordelaise, donc moi je suis concernée entre autres par la création de la cube Bordeaux donc qui a commencé au 1er janvier 2015. Nous alors bon, pour expliquer un petit peu avant, on travaillait déjà ensemble sur un portail commun, donc un portail cube, communauté urbaine de Bordeaux, donc on avait l'habitude de travailler ensemble sur un communauté, enfin les bibliothèques autour de Bordeaux ensemble. Bordeaux travaillait à part. Bordeaux étant à droite, la communauté urbaine étant à gauche. Les dernières élections sont passées, tout le monde est passé à droite, donc Bordeaux a fusionné avec le portail cube. Ça facilite la mutualisation, du coup. Et du coup, Bordeaux a intégré le portail cube. Donc la métropole a pris la compétence culturelle sur le portail, le fameux portail, en sachant que toutes les personnes qui sont embauchées sur ce portail sont intégrées dans la hiérarchie de la bibliothèque de Bordeaux. Bon, après, le DGS, j'espère que c'est assez clair, le DGS de Bordeaux est aussi le DGS de la CUB. Donc, ceci explique cela. Donc, tout ça, c'est en cours. Donc, tout ça fusionne petit à petit. C'est pas anecdotique que les membres du portail de la métropole soient intégrés à la hiérarchie de Bordeaux. Alors, nous, les mairies se sont prononcées très clairement pour un maintien des structures de proximité en local géré par les communes. Donc ça, enfin nous on ne sera pas touchés, on ne va pas basculer en poste métropole au niveau de la lecture publique uniquement. Voilà, par contre ça génère chez nous des interrogations, alors nous plutôt positives dans les faits, mais alors là je parle pour la musique, il n'y a que nous qui travaillons ensemble de toute façon, puisqu'il y a longtemps, on va dire qu'il y a 6 ans, nous travaillons les discothécaires de la petite ville autour de Bordeaux ensemble, et on porte des projets depuis longtemps, dont tout un projet autour de la scène locale qui s'appelle le Giron Music Box. Et pour nous, justement, comme on a de plus en plus de baisses de budget, etc., la mutualisation, pour nous, on trouve que c'est un super atout pour pouvoir porter, c'est ce qu'on est en train de faire, notre projet sur un portail métropole, parce qu'il y a d'autres moyens, une autre visibilité. Et plutôt que travailler chacun dans son coin sur des petits trucs numériques, de travailler tous ensemble, pour nous, on trouve ça hyper optimiste. Et pour l'instant, je suis optimiste des deux côtés. Après, je dirais le côté pessimiste des deux côtés, c'est-à-dire que du côté bordelais, ils ont la même démarche, c'est qu'ils se disent que s'ils veulent fédérer, qu'on travaille tous ensemble, ils ont intérêt à s'appuyer sur des réseaux et ne n'ont pas fonctionné en hiérarchie, c'est-à-dire Bordeaux décide, les bibliothèques appliquent. Donc pour l'instant, on est dans une espèce de démarche, on va un peu dans le même sens. Ils ont besoin de nous, ils savent que si on veut travailler ensemble, ils ont intérêt à pas nous imposer et plutôt à essayer de travailler avec. Et nous, on a envie de travailler avec eux. Après, notre inquiétude est plutôt politique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, effectivement, on se retrouve. C'est le grand débat entre nous, c'est qu'on se retrouve inféodé, c'est-à-dire que Bordeaux décide et qu'on applique, et que les petites bibliothèques autour, on se retrouve des satellites de la grosse structure, des annexes. Classique. Ah mais c'est classique, c'est la grosse angoisse, c'est le gros débat qu'on a entre nous. Donc on est tous partants, mais on a tous cette angoisse-là de se dire, ouais mais là on est en train de porter les gros projets, ils vont se le récupérer, et après on va nous dire, bon hop, chacun dans son coin, et bon voilà, c'est l'angoisse, c'est plutôt politique. En sachant que quand même, C'est enregistré. Non, oui. Sachant que le maire de Bordeaux... Une fois sur deux, ça ne marche pas. On va se raconter sur le deux. Non, mais c'est pas... Qui va débarquer. C'est anecdotique sans lettres, mais le maire de Bordeaux ayant une vocation nationale, ouais. Ils ont tout, ils veulent, ils ont un souhait quand même que Bordeaux porte des gros projets numériques et fasse de la com. Pas pour rien. Ouais. Il y a ça qui nous porte pour l'instant. Après, ça va peut-être... Mais pour l'instant, ça nous porte. Mais dans la mesure où restez personnel municipal, est-ce que ça ne fait pas un garde-fou, justement, moi, je le crains moyennement, mais... Tous les maires n'ont pas une ambition nationale, mais ils ont tous envie de porter des grands projets numériques. Oui. Enfin, il y en a beaucoup, en tout cas. Oui, oui, c'est vrai. Mais ils n'ont pas forcément envie que ça ne retombe pas sur leur ville. C'est ça, le problème. Tout comme il y a quelques années, ils avaient tous envie de créer une médiathèque. Oui. Mais de la faire financer par... Anne Tricard, donc je travaille à la bibliothèque municipale de Limoges. Donc je travaille dans une annexe, mais bon, c'est un réseau de 6 bibliothèques centrales. Et voilà. Donc pour l'instant, on est complètement municipal. Voilà, donc là c'est pareil, hein, il y a eu un basculement de majorité, voilà. Il y a une agglomération, donc qui s'appelle Limoges Métropole, mais c'est une agglomération en fait, hein. Donc des compétences qui existent déjà depuis plusieurs années, donc des compétences ont déjà été transférées, mais pas du tout les compétences culturelles, donc parce qu'il y avait, et on a donc, on mutualise, alors par exemple, on fait partie du Sudoc, là, donc on mutualise beaucoup, notamment notre catalogue, etc., avec des bibliothèques qu'on ne connaît pas, qui sont des fois très très loin de chez nous, mais on mutualise absolument rien, et on n'a aucun contact, en fait, avec les bibliothèques, même de la très proche banlieue, voilà, qui ont été créées, des médiathèques, qui ont été créées soit par des communes, soit par des communautés de communes. Je trouve ça plutôt dommage, moi, pour le coup, ça ne ferait pas peur. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et donc, je pense que à terme, ce sera certainement un chantier qui sera mené probablement, parce que voilà, c'est dans l'air du temps. Que effectivement il peut y avoir quand même des conséquences très positives aussi à étendre la compétence lecture publique aussi à l'agglo, hein, voilà, ça dépend comment c'est fait. Et donc voilà, la BDP de la Haute-Vienne, donc qui a compétence ailleurs, s'occupe de toutes les communes, en fait, pour vous dire que la Haute-Vienne, attention, s'occupe de toutes les communes sauf Limoges, c'est-à-dire que toutes les communes du département sont de la compétence de la BDP, sauf la plus grande ville, donc Limoges. Voilà. C'est pareil en Creuse, voilà. C'est beaucoup de petites communes. Donc c'est beaucoup de petites communes qui voilà. Donc la BDP a mené vraiment, a été très dynamique et pour ouvrir justement des médiathèques dans les territoires et tout ça. Mais nous, à la ville de Limoges, on n'a aucun contact avec ces bibliothèques. Et je trouve que parce que dans les compétences, les départements ne pouvaient pas prendre dans leur giron les villes de plus de 10 000 habitants. Oui, oui, maintenant, tout à fait, mais ça, je ne reproche pas à la BDP. Maintenant, je pouvais pas, ça, c'était pas interdit non plus. C'était pas mon tour pour en parler, mais... Ouais. Mais c'est plutôt, je trouve, moi, un problème de la ville de Limoges qui n'est pas allée vers les bibliothèques, au moins de sa proche banlieue, plutôt que l'inverse, hein, évidemment. C'était plutôt à la ville de Limoges. Ouais, ça n'a jamais été une façon de travailler. Est-ce qu'il y a un échange entre la ville, la bibliothèque et la BDP? Alors, de façon personnelle, oui. Très peu, enfin, de façon, écrite, hein, enfin, finalisée, institutionnelle, il n'y en a aucune. D'accord. Voilà, absolument. Ce sont les agents, les individus qui agents vont faire des petites formations à la BDP, on s'appelle, tout ça. C'est la même chose dans ma région, la BDP de Gironde, on travaille de façon informelle, mais on travaille beaucoup avec Bordeaux et les bibliothèques, mais c'est informel. Mais on fait partie des mêmes groupes de travail, on se rend compte, on travaille sur les mêmes projets, mais c'est informel. C'est bien déjà. Oui, on fait tout ça. Ouais. Nous, on a démarré sur la contractualisation et fini sur l'informel. Hein. Oui. Donc, Xavier Gallo, directeur de la bibliothèque départementale du Haut-Rhin. Alors, on n'est pas concerné, il n'y a pas de métropole. Donc, je rebondis sur ce que tu disais. On fait encore 247 communes en prêt direct. 247. Donc, on est le dernier département, je pense. Ils sont plus forts que nous. On est le dernier département, je pense, à une telle échelle. En plus, on a fait évoluer, on est passé maintenant tous les mois, on passe tous les mois dans toutes les communes, alors qu'avant, il y avait un rythme tous les mois, tous les deux mois. Donc, il y a une volonté politique de maintenir. On verra avec la nouvelle assemblée si ça continue. Avec, toute la conséquence, ça fait 54 tournées par mois, donc c'est une grosse logistique. On en a 5. Un bibliobus. Vintage, j'espère. Ah bah, non, pas tout. On a des beaux, mais on a encore un vintage, oui, de l'État. Celui-là, on ne touche pas, c'est l'éco-musée. Visite, celui-là. C'est l'éco-musée, celui-là. Vous voyez ce que nous donnait l'État au moment de la décentralisation, c'est les propres, on n'avait pas de moyens. Justement, on a fait un peu la DDP, nous, justement, tu vois. Donc, alors avec assez peu d'intercommunalité, enfin de prise de compétences de lecture publique, il y a quelques médiathèques intercommunales, mais il n'y en a pas suffisamment, il n'y a pas assez de bibliothèques, c'est pour ça qu'on est aussi présent, 82 bibliothèques. Pour vous donner un ratio. Ça peut être aussi l'inverse, hein. C'est parce que vous êtes trop présent qu'il n'y a pas de... Absolument. C'est toute la problématique. C'est la provocation. Il faut le pointer. Ah, mais là, j'en suis pleinement conscient, c'est toute la problématique. Hein. C'est effectivement, il y a des élus qui disent, il y a du biobus, donc c'est pas la peine. Enfin, ouais. En plus, ça coûte rien. Donc, ça joue encore la carte héritage pendant deux mois. Oui, oui, oui, tout à fait. Et l'équipe, il y a combien de personnes? On est une quarantaine. Ouais. 40 personnes. Voilà, donc on est en train de construire une annexe au sud du département. Voilà, donc... ouverte au public, une partie sera ouverte au public. Voilà, donc effectivement, dans beaucoup de cas, les élus n'ont pas voulu transférer la compétence interco. Donc ça, c'est vraiment assez typique. La bibliothèque est vécue comme un outil de proximité qu'on a envie de garder et qu'on ne veut pas transférer. Nous, ça ne m'étonne pas que ce soit passé aussi à Bordeaux. Donc voilà, donc après, il y a parfois des projets intercommunaux, mais c'est minoritaire, quoi, malheureusement. Par exemple, à Mulhouse, ils ont pris la compétence lecture publique pour un bibliobus intercommunal. Donc vraiment très vraiment dans le détail. Donc voilà, donc il y a vraiment des cas de figure très différents. Donc voilà, après c'est pas vraiment des problèmes politiques chez nous parce que c'est globalement tout est du même bord politique. Donc voilà, donc à part Mulhouse à un moment donné, mais bon il n'y a que Strasbourg maintenant. Qui reste une exception. Voilà, donc en Alsace. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour l'instant envie de dire. Alors bonjour, je m'appelle Émilie. Je passe juste après M. Gallo, donc. Tu es bien entouré. Non, tu passes avant Christian. Avant Christian, voilà. Voilà. Voilà. Voilà. J'ai mal choisi ma place, moi. Ah bon? Bon, on va se retrouver. Non, mais bien, hein. Alors, pour en rajouter, en fait, moi, je travaille dans le département jeunesse, hein, je ne suis pas du tout discothécaire, mais... Ah oui, effectivement, enfin, vous avez gardé votre cœur. Elle fait son coming out. Bienvenue. Si tu savais, ici, des vrais discothécaires, il y en a pas. Voilà, le réseau des MM de Metz, en fait. Donc, je suis aussi la collègue de Laurence. Voilà, on est calé, Laurence, ça y est. Donc, voilà, moi, je me pose beaucoup de questions sur la réforme territoriale. Pour en rajouter, je ne m'y connais pas trop, donc je me dis qu'à travers cette séance-là, je serai plus rodée pour lutter et batailler. On est révolutionnaires avec ça. On peut pas passer pour... voilà. Okay. Ah bah pour rebondir, je veux dire, qui aurait la prétention d'en savoir beaucoup sur cette question-là? Alors toi, c'est déjà pour pas de complexe, hein. D'accord. Ouais, ouais, ouais. Même notre inspecteur général qui est dévoyé souvent. Hein, voilà. Donc ça déjà rassure. Pour dire que l'intérêt de l'atelier, c'est qu'il n'y a pas de nouveau. C'est rassurant et pas rassurant. Non. C'est rassurant pour nos échanges. Ensuite, on verra pour la suite. Ça pour dire que, on l'a dit en introduction, on n'a pas de scoop. On vient pas ici donner des infos. Même quand on a, parce qu'on a parlé à plusieurs reprises de l'IABD, l'Interassociation Archives, Bibliothèques, Documentation, il nous arrive d'être reçus dans les commissions parlementaires, d'avoir des rendez-vous avec les attachés parlementaires, parfois même avec des parlementaires, dont certains nous disent qu'ils ont parfaitement compris les enjeux et qu'ils vont défendre des amendements qui ne sont parfois même pas présentés, qui ne passent même pas dans le cadre de la commission des lois. Voilà, tout ça pour dire que on est dans cette salle à peu près vraiment au même niveau. Voilà. Je vais présenter juste mon établissement. Donc, je suis directeur adjoint de la médiathèque départementale de la Loire. C'est un des départements qui aurait dû disparaître puis qui reste parce que finalement c'est à moitié urbain, mais c'est aussi à moitié rural. On a eu la chance d'avoir une inspection récemment. Et voilà. C'est Saint-Étienne. La capitale régionale chez vous. Avec des projets urbains qui sont, vous savez, il y a Lyon Métropole, tout ça, ça va devenir une métropole européenne. Saint-Étienne sera peut-être un jour absorbé. En tout cas, il y a une dimension rurale très forte. La BDP n'est pas remise en question, mais nos élus et notre administration, parce que c'est souvent les DGS, DGA qui pensent pour les élus, bien sûr, et qui nous disent, mais donnez-nous des arguments pour défendre vos budgets. Ça veut dire, j'ai décidé de vous casser. Et globalement, on leur dit, mais vous savez comme moi, enfin, on ne va pas jouer les autistes, qu'il n'y a que deux lignes dans le code du patrimoine. Voilà. Donc, nous savons, pas de Marseille, là, de Saint-Étienne, que vous trouvez que ça coûte trop cher. Et ce que vous attendez de nous, c'est qu'on vous fasse des propositions pour exister mieux, pour moins cher. Voilà. Donc on est dans cette phase de négociation, pas de dialogue de sourds, mais c'est un jeu de rôle hein, quand même. Voilà. Alors face à ça, je l'ai dit tout à l'heure, hein, si on ne veut pas subir, il faut agir. Après on peut en prendre autant dans la figure, mais au moins on bouge. On se rend compte que la situation n'est pas dramatique. C'est-à-dire que les collectivités ont pris beaucoup de décisions depuis que la lecture publique est un concept opérant. Depuis les années 70, avec le concours particulier depuis 82, 83, les fautes Gattegno, etc. Il y a de l'argent quand même qui a irrigué les territoires. Mmh. Et il y a des établissements, il y a des bâtiments. On a même réussi à faire créer des emplois, enfin, etc. Donc on a un terreau qui me paraît important. Qui n'a jamais atteint évidemment nos rêves anglo-saxons ou nord-européens. Hein, 70 heures d'ouverture avec tout ça. Mais il n'empêche qu'il y a une sorte de patrimoine professionnel et qui me paraît plus important de voir comment on peut capitaliser là-dessus. La capitalisation pourrait être de la mutualisation, pourrait être de différentes sortes de choses. Et que notre objectif actuellement, c'est de voir comment on peut contractualiser le temps que ceux qui sont élus pour légifèrent. Puisque on ne sait pas où va s'arrêter le curseur, et le curseur il va s'arrêter d'ailleurs sur quelque chose qui ne va pas être un point unique, mais qui va être une sorte de dispositif à géométrie variable. Donc je pense que dans les départements, on a aujourd'hui des opportunités de construire des choses. Et en particulier, la contractualisation reste totalement ouverte. Et à l'heure actuelle, on a un processus qui consiste à réunir, à inviter pour l'instant, les collectivités de plus de 10 000 habitants, donc pour nous, Roanne, Saint-Chamond, Saint-Étienne, etc., et de leur proposer de mettre à plat leurs ressources, les nôtres, et de dire, vous avez une problématique de fréquentation, une problématique de ressources numériques, face à ça, vous avez des budgets qui sont insuffisants, on vous propose de travailler ensemble, à optimiser nos ressources. Alors notre administration, bien évidemment, veut nous faire des conventions absurdes du type « je prends les ressources, mais je refacture, code-part, etc. Mmh. » Donc, évidemment, ça, c'est... Mais c'est dans un cadre d'une agglomération, non c'est Non, juste non, non, c'est le conseil c'est général. Juste... Ah oui. J'ai longtemps été municipal, mais là, je suis... agent du conseil général. C'est du parti, d'accord, en fait, d'accord. Ça. Oui, entre le conseil général et communes. Et en commune, chaque commune, en fait. Okay. Voilà. Et jusqu'à présent, effectivement, les relations contractuelles étaient dans nos missions qui étaient non pas... rien ne disait, cette ligne des 10 000 habitants, elle a bougé, déjà, et puis elle n'est absolument pas ni contraignante, ni limitative. Il y avait une délibération pour monter jusqu'à 15 000, puisqu'il n'y avait que 4 communes. C'est ça. Donc on, voilà, c'était bête de... C'est un arrangement. Il y a des départements où il n'y a plus aucune commune. Oui, ouais. Qui est en réseau. Absolument. Oui, la Lozère. Pour dire ce que l'on fait nous dans le Jura par rapport à la contractualisation pour les ressources numériques, on l'a rendue payante pour les collectivités qui adhèrent. Et on a pris comme seuil le nombre d'habitants des communautés de communes et on fait payer 0,10 centimes d'euros par habitant pour bénéficier des ressources numériques. Et l'autre partie est prise en charge par le département. Mmh. Donc il y a déjà... La première année, c'était gratuit et ensuite, ça a été payant pour les collectivités. Voilà. Nous, je ne sais pas où va, je dis le curseur, parce que quand on est dans une négociation, bien évidemment, on ne peut pas présumer du résultat final. On connaît bien évidemment, moi je suis l'expérience jumelle à la loupe. Et c'est bon. Oui, c'est trop tard. Oui, non, mais c'était pour voir si c'était l'après-midi. C'est fin. Simplement. Après, ça sachant que certains. Ça faisait longtemps. Oui, c'est ça. Personne n'a réagi au premier. C'est la chaleur. Comme on observe ce qui se passe, chacun teste ses trucs. Je dis, on va essayer autre chose pour voir. Et l'idée, c'est de. Chacun amène son budget. Qu'est-ce que ma tutelle a accepté de mettre sur le numérique ? Et qu'est-ce que je paye ? Pour quel service ? Et voir sur les économies d'échelle. On sait très bien que, par exemple, ce que propose l'ex-cité de la musique, la Philharmonie, mais qui va encore changer de nom, c'est par tranche de... Ça coûte rien de changer de nom. Hein, c'est par tranche de population. Potentiel. Voilà. Donc, je dis, c'est simple, on fait des péréquations. Moi, je paye tant pour ça, mais si je passe à la tranche supérieure, il y a une réduction quantitative, etc. Donc, on travaille sur ce genre de choses. Quel que soit le résultat des transferts de compétences de lecture publique, on ne perd pas notre temps à contractualiser ce genre de choses, ou en tout cas à apprendre à travailler ensemble. Donc c'est une piste. J'en ai d'autres, hein, mais je prends celle-ci parce que le numérique, ça tétanise tout le monde. Hein. Ça coûte beaucoup plus cher que les documents physiques. Et avec un usage qui est beaucoup moins facile à valoriser. On peut le quantifier, mais... Donc, c'est de se dire, effectivement, Saint-Étienne met tant, nous on met tant, Rouen met tant, etc. Et puis, il y a notre réseau, compte de qui on paye déjà, donc voilà. Et avec ça, on peut se payer tant de ressources numériques. Ensuite, on voit comment on simplifie administrativement les choses. Mmh. On ne dépend pas de la même tutelle, donc chacun prend ce qui rentre dans son enveloppe et l'ouvre aux autres. Et comme ça, tout le monde paye pour tout le monde. C'est un exemple de mutualisation, de contractualisation. Vous jouez un peu le rôle, finalement, d'une assemblée de communautés de communes. On anticipe sur une des décisions que pourrait prendre une entité intercommunale. Voilà, une assemblée de territoire ou une entité intercommunale pourrait tout à fait, en fait, si elle avait la compétence. Exactement, elle pourrait le porter. Voilà, et on dit, bon, en attendant que ça se décante, on vous propose de travailler là-dessus. Sans qu'il y ait de compétences. Ça avance un peu le travail. Donc plutôt, ce que je disais, plutôt que d'attendre et de subir, agissons et voyons, parce que ça sera toujours du temps de gagner pour nos publics, parce qu'eux, ils sont en attente, certains... n'attendent pas, certes, mais d'autres nous disent, mais qu'est-ce que vous faites ? Voilà, on a fait un tour de table, on a vu. C'est assez diversifié quand même. Donc, c'est pas des conclusions, mais on peut faire des constats déjà. C'est que l'intercommunalité ou les prises de compétences. Il y a 10 ans, on disait que c'était très diversifié, mais aujourd'hui, ça ne s'est pas simplifié. Ça n'a pas convergé vers une simplification. Je vous rappelle que c'est la quatrième phase de la réforme territoriale. C'était pour régler la question du millefeuille. Une feuille, okay. À part d'être indigeste, c'est encore rajouter des feuilles. C'était une image que je... elle a été utilisée, mais je trouve que le millefeuille n'a pas été allégé. Patrick Braouzé, qui est dit, président de la communauté d'agglomération de pleine commune, ex-député. Il a dit dans le millefeuille, ce qui est important, c'est la crème. La crème, c'est ça qui fait du liant. Alors la crème, je passe la parole à Metz. La crème de la crème. Le crème, c'est le centre de ressources. Enfin, musical. Un exemple de mutualisation. Oui, avec la BAM. Oui. C'est-à-dire que toute la scène locale se rejoint sur ce centre de ressources. Les médiathèques apportent les ressources d'apprentissage. C'est tout ce qui est support. Intellectuel, je dirais, pour la musique. Et la BAM, ce sont les murs, la technique concrète, la scène, les salles de répétition. Et ça, c'est une belle mise en commun, une belle mutualisation. Nous, ce qui nous fait plus peur, c'est la mutualisation au niveau des agents. Oui. Mais bon, ça, c'est bien parce que tu viens sur le terrain qui nous intéresse. Parce qu'il y a un exemple de mutualisation, mais c'est bien. Les agents côté médiathèque dépendent de la commune. Les agents côté BAM dépendent. C'est associatif. De... C'est associatif. Et c'est Metz en scène, c'est l'association Metz en scène, c'est subventionné par. Le département aussi, je crois. Enfin, ils ont plusieurs subventions. Et la commune. Donc oui, on n'a pas déjà les mêmes moyens non plus. Ça, c'est sûr. Mais oui, alors, mutualisation des moyens, c'est bien, puisque comme on a moins d'argent, autant mettre en commun. Mais après, quand on parle des agents, c'est aussi, justement, perte de masse salariale, parfois, souvent. C'est-à-dire qu'on n'embauche plus, puisqu'on mutualise. Donc les agents peuvent tout faire, peuvent aller partout. Vous voyez, ce qui nous pend au nez. C'est marrant parce que nous, au sein du groupe, tu parlais des discothécaires, là, on a un discours, c'est à peu près la même chose, mais nous, on a un discours, je ne sais pas, on est dopé à je ne sais pas quoi, mais on a un discours plutôt positif, c'est de se dire que, étant tous fédérés, enfin, si on se retrouve en métropole, on a plus de possibilités de carrière et de mouvement que de rester coincé dans sa structure. Et nous, on trouve ça, du coup, positif. Oui, sauf que... En termes de carrière. Voilà, en termes de carrière et d'intérêt du travail. Et d'intérêt du travail, même. Mais nous, on a perdu quand même 18 postes en moins de 5 ans, je crois. Non, pas que ça. Ouais. Non. Pardon. 18 postes en moins de 5 ans, c'est énorme. Donc, c'est pas chez nous, pas plus personne. Sur une centaine. 20%. En sachant que dans la centaine, il y a quand même l'administratif et tout ce qui est technique au niveau manutentionnaire. Je ne parle pas des bibliothèques pures. C'est vraiment englobé. Mais c'est C'est-à-dire, la crainte, c'est de se dire, un jour on va travailler là, le lendemain on va travailler ailleurs. C'est-à-dire, par exemple, nous on a un manutentionnaire, il est bibliothécaire, attention, il est assistant de conservation. Comme il est doué en informatique, en plein de choses, c'est vraiment le MacGyver de la médiathèque. Du coup, on peut l'envoyer n'importe où sur la commune, à la DCSI, il arrive le matin et parfois il ne sait pas où il va. Et du coup, alors lui, à lui tout ça, il peut occuper 3 postes. Donc voilà, on n'embauche plus puisque lui, il fait 3... Il a 3 postes quand même. Non, ce serait tutelle, attention, pas de prime, rien du tout, non. Donc oui, il y a plein de petits trucs comme ça. Il faut se méfier quoi de cette Eldorado qu'on nous présente. Ah non, nous on le vit pas comme un Eldorado, mais comme de toute façon il remplace plus les départs à la retraite, qu'on est tous en train de chuter de budget et de personnel, généralise. Quelque part à travailler ensemble, on s'en sortira mieux qu'à travailler chacun dans notre coin. Oui. C'est plutôt dans ce sens-là qu'on le voit. Parce que toi tu parles de travailler ensemble, mais toi tu parles pas de travailler ensemble. Hein. Toi tu parles d'être envoyé, ça n'a rien à voir avec un travail en commun. On bosse beaucoup avec les partenariats. On a beaucoup de partenaires. Nos partenaires nous portent aussi, parce que quand justement on n'a pas les moyens, nos partenaires peuvent nous aider à faire des choses. Mais là, non, c'est vraiment ouais. mutualisation politique. C'est, mmh. c'est vraiment oui, mais c'est ce que j'ai fait, c'est ce qui me méfie le plus, c'est le côté politique. Ouais, ouais, ça, il faut se méfier. Je voudrais comprendre. Tu as parlé d'un partenariat avec des statuts différents, donc un côté associatif, ouais. avec Metz en scène. Donc, j'ai retenu trois structures principales. Oui, Metz en scène, c'est Arsenal, c'est les Trinitaires, voilà. et c'est la BAM. C'est ça. Et de l'autre côté, il y a les bibliothèques de Metz. Voilà. Convention. Convention. Donc, les partenariats, c'est entre ces deux structures. Oui. Bon, on a d'autres. Mais quand tu parles de mobilité d'agents, tu parles de quelqu'un qui a oui. une compétence et ça, qui fait qu'il devient oui. corvéable à merci et on le met là où on a un besoin. Mais c'est au sein d'une des structures ou c'est d'une structure à l'autre? Non, non, il ne va pas, par exemple, non, non, il reste sur, disons qu'il bâtiment. Peut aller travailler pour... pour différents services dans le même bâtiment. Oui, mais aussi pour la communauté la ville, de communes, l'agglo, alors qu'il est commune. Ah oui, d'accord. Mm. Et puis il y a des détachements. Ouais. Là, par exemple, Bob, notre informaticien, il vient de l'agglo et il a été détaché chez nous. Enfin, il y a des, voilà, c'est des chaises musicales en fait. Un détachement, c'est encore un statut clair, identifié. J'ai l'impression que tu nous parles d'un cas où un agent d'une collectivité est mis à disposition oui. d'une autre. Oui. Et sans dispositif contractuel. C'est-à-dire que la DCSI, c'est toute l'informatique avant de la ville, en fait. Et c'était communal et c'est passé à l'agglo il y a un an ou deux. Et comme il a toujours travaillé avec eux avant, ça continue à se faire alors que normalement on n'a plus. Mais est-ce que vous avez une vision claire du projet qui est en cours? Parce que c'est peut-être logique. Par rapport au projet que les élus ont de transformer ou de faire passer cette compétence au niveau de l'agglo, c'est financier. Mais est-ce que les élus est-ce que vous avez des échos comme pour voir s'il y a aura un transfert de compétences ou pas? Oui, est-ce qu'il en y a, est question? Parce que c'est peut-être dans leur logique. Ce sera d'abord les piscines et après ça. Sera... Donc voilà, ils travaillent déjà dans l'optique d'eux alors. Ah, oui. C'est parce que s'ils font passer le personnel d'une collectivité à l'autre, c'est bien qu'un jour, vous serez tous dans la même collectivité, oui. Ils étaient... Il n'y a personne de Montpellier, là, mais ils étaient... Il y a eu un transfert, peut-être, je ne sais pas, de 3 ans, à Montpellier, des bibliothèques municipales sur le... Elles sont venues aglo. Du coup, le réseau qui était municipal avec, je ne sais pas combien, 10 bibliothèques... C'est étendu à toute l'agglo, là, et c'est vrai que on aurait pu... Et le statut... Et voir, ils sont passés, ils ont changé d'employeur. D'après ce que m'a dit mon collègue, on est perdant en passant à l'agglo au niveau de l'indice... Il y avait une sorte de règle qui voulait que plus on montait en niveau de collectivité et plus on gagnait en régime indemnitaire. Ton point d'indice, il ne peut pas descendre. De la commune, c'est ce que j'ai compris, il était perdant. Moins de primes, ça peut être possible. Moins de primes, oui. Mais ton indice, c'est interdit. Il y avait une perte de quelque chose. Voilà, mais de primes. C'est le régime indemnitaire, sinon oui, voilà. Ça, tu ne peux pas bouger. Tu ne peux pas te le baisser, en tout cas. Tu peux monter. Ça franchit des rails quand on vous propose. D'abord, parce qu'on doit vous proposer effectivement d'être transféré à l'EPCI, on vous propose en vous disant voilà, si vous restez à la commune, vous aurez tel régime indemnitaire, si vous allez à l'EPCI, vous aurez tel régime indemnitaire. Et, bon, et souvent, la différence est faible, mais il n'y a pas seulement un régime indemnitaire, ils ont des modalités de travail, l'accord ARTT, etc., et vous choisissez. Et à pleine commune, ils ont utilisé une ruse grossière mais efficace. Ils ont décidé effectivement de faire un régime indemnitaire à pleine commune très favorable par rapport aux communes. Et en plein accord avec les maires des communes. C'est là que la ruse est grossière. Donc absolument 99,9% score Parti communiste, ont choisi l'intercommunalité. Et le 1% qui est resté, ils sont restés à la commune. Ils ont été affectés à un autre poste, mais ils sont restés dans leur commune. Et quand justement, quand la réforme territoriale a été annoncée, et la métropole, le projet de métropole du Grand Paris, ce sont les personnels qui sont montés au créneau les premiers, qui sont allés voir le président, qui ont dit « mais on va perdre nous dans cette histoire ». Et donc, effectivement, ils ont été les moteurs d'une revendication. Mmh. Mais ils avaient derrière eux 10 ans de transfert à l'intercommunalité. Ils en avaient vu les avantages. Mmh. Et en particulier, ils avaient vu un autre avantage qui n'est pas seulement statutaire et indemnitaire, qui est le fait qu'on apprend à travailler avec des gens qui n'ont pas la même culture, donc qu'on modifie plus facilement sa propre culture, et qu'on devient en fait beaucoup plus ouvert. Mmh. Surtout que souvent, par exemple, les gens qui travaillaient à Villetaneuse ou à Stain, c'était dans des petites communes très pauvres, ils n'ont vu que des avantages à travailler avec des communes pas beaucoup plus riches, parce qu'ils ne sont pas tellement riches là-bas, mais qui avaient quand même des moyens, une assise plus importante. Donc si vous voulez, je comprends la difficulté que vous pouvez avoir, en fait, à la crainte que vous pouvez avoir, mais il faut essayer de voir les avantages qu'il y aura au transfert à l'intercommunalité, s'il se fait. Il faudra travailler les négociations. Oui, c'est une question de négociation. Autant d'ailleurs vous unir plus tôt. Et je crois qu'il faut bien distinguer la partie transfert, c'est-à-dire quel est mon statut aujourd'hui, quel peut être mon statut demain, et de la mobilité. Parce que dans ce que tu nous as donné comme exemple, il y avait les deux. C'est pour ça que j'ai demandé des précisions sur la question statutaire. Parce que la question de la mobilité, c'est quelque chose qui travaille beaucoup nos administrations. Ils aimeraient avoir du personnel beaucoup plus mobile, beaucoup plus souple, et beaucoup plus polyvalent. Effectivement, on a tous connu ce type d'exemple en disant vous, dans votre service, vous êtes nombreux, là, à côté, il y a des manques, on pourrait peut-être... vous parlez tout le temps de mutualisation, on pourrait l'appliquer. Voilà, donc... derrière ça, on répond avec des arguments de type professionnel. C'est-à-dire, on profite de poste, fonction, temps de travail. Alors, si j'en retire un, ça veut dire que je ne peux plus rendre le service. Il rigole quand on a dit ça, quand même. Mais voilà, c'est important de bien distinguer les choses, parce que ce qui est le sujet qui nous réunit là, dans cet atelier, c'est la réforme territoriale. Je ne suis pas sûr que ces questions-là soient dépendantes de la réforme territoriale. Elles sont beaucoup plus liées à un habitus collectif de nos collectivités, de nos strates territoriales, et de fantasmes de nos administrations, d'optimiser, d'avoir des comptes administratifs exemplaires, dans lesquels on répond à la demande des élus de baisser les impôts, c'était une promesse électorale, et qu'à côté de ça, on augmente les services. Ça, c'est un engagement des cadres de dire, vous allez voir, on peut faire mieux avec moins. D'accord ? J'invente rien, là. Mais c'est important de bien distinguer les deux, parce que quel que soit le résultat des navettes parlementaires, quel que soit le résultat final, et donc l'état des départements, des agglos, des métropoles, etc., ces questions-là ne seront pas réglées. Elles ne seront pas réglées par la loi. Elles seront toujours dépendantes de ce jeu dialectique entre l'administration, les élus et les agents qui, eux, dans leur service, ont ou n'ont pas une conscience de ces enjeux-là et des réponses appropriées, c'est-à-dire structurées, alors qui peuvent passer par le syndicat, qui peuvent passer par la voie hiérarchique, qui peuvent passer de façon très spontanée, enfin... On connaît toute la gamme des modes d'action possibles. Et je ne parle pas de revendication, là, je parle juste d'avoir conscience de ça, parce que sinon, on risque aussi d'avoir des surprises. La réforme territoriale pourrait supprimer tous les départements ou tous les garder, et qu'on se retrouve face aux mêmes problématiques, si on n'a pas identifié exactement où est la vraie question. Alors, lors du dernier congrès de l'ABF, il y avait une session, les questions qui fâchent. Oui, et au prochain aussi. Et au prochain. C'est le samedi après-midi. Je ne me souviens plus du nom. Alors, c'était représentant de l'État. Alors, je ne sais plus à quel niveau. Mais donc, disons, au niveau de la lecture publique. qui se posait la question, enfin, qui disait qu'en gros, il n'avait pas jusqu'à présent pu avoir la preuve comme quoi l'intercommunalité permettait donc une économie réelle de moyens dans son fonctionnement. Alors je ne sais pas, est-ce que c'était une posture ou est-ce que c'était... En tout cas, il semblait dire qu'il n'avait pas pu faire l'évaluation de ce gain d'échelle qui aurait permis un territoire avec des ressources mutualisées, organisations mutualisées. Est-ce que c'est des choses... Oui, je profite. Je dis que la Harry n'était pas d'accord. Ah bon, d'accord. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, je sais pas qui était le représentant. C'était peut-être Fabien Plazanet. Oui, non, mais c'était pas lui. C'était pas lui qui avait pris la parole pour ça. Mais oui, ça part du constat, enfin, de l'interrogation qui est portée au ministère de la Culture et qu'on est associé à cette interrogation, c'est effectivement essayer de voir depuis l'émergence de l'intercommunalité, si l'intercommunalité a, parmi les effets qu'elle a produits, parce qu'il y en a des tas, eu celui-ci d'entraîner des économies d'échelle. A priori, on ne peut pas en être certain. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de règle générale, il ne se dégage pas une tendance générale. Je pense qu'il y a des intercommunalités où il y a eu des économies d'échelle, mais parce qu'on l'a voulu le faire, c'est-à-dire qu'on s'est donné les moyens effectivement de produire ces économies d'échelle. Il y en a d'autres où l'intercommunalité ne les a pas produites, parce que finalement, on s'est servi de cette nouvelle, cette nouvelle enveloppe, de cette nouvelle modalité pour monter les projets, mais on n'a pas réfléchi véritablement en termes de mutualisation. Et par exemple, il y a beaucoup d'intercommunalités qui ont été d'importantes créatrices d'emplois dans tous les services. C'était la plus grosse progression, c'est quand on voit les chiffres. Ce qu'on nous reproche au niveau européen, les coûts de la fonction publique territoriale, l'État arrive à peu près à les stabiliser, alors que... Oui, on a créé des services, services supplémentaires. Oui, mais il y a aussi des transferts de compétences de l'État. Oui. Enfin, c'est un autre débat, mais qui est bien dans la réforme territoriale. Oui. Par ailleurs, je pense que ce que Dominique a pu vouloir dire, mais j'étais pas là, pas... Moi, quand c'est les sciences qui fâchent, je viens pas, je suis collant. Dominique a dû dire que par ailleurs, du point de vue de la mutualisation, les effets étaient globalement très positifs, parce qu'effectivement, ce qu'on avait réussi à faire avec l'intercommunalité, c'était des projets faits en commun, ce qui était presque impossible avec les communes, parce qu'il n'y avait pas effectivement cette facilitation qu'est l'intercommunalité, le statut de l'EPCI. Voilà, donc en fait. Pour continuer, pour répondre à cette question, enfin indirectement aux journées d'études de la DBDP, il y avait Quimper, communauté, qui témoignait. Bon, certes, ils avaient créé des structures, certes, ils avaient embauché, mais au bout du compte, le coût par lecteur avait diminué. Parce que le nombre de lecteurs avait augmenté. Donc voilà, c'est aussi cet indicateur. Pour un administrateur, le coût avait augmenté. Oui. Et c'est pour ça que je crois que c'est important. Ouais. Moi, je reviens sur cette affaire. C'est que c'est pas l'intercommunalité qui fait des produit des économies. Mm-hmm. C'est le choix politique de faire des économies qui passent par l'interco ou par la commune ou par le département, enfin par n'importe quelle strate. Et que là encore, faut pas se tromper. C'est-à-dire que si une interco est constituée pour faire des économies, elle en fera. Elle en fera, bien sûr. Si une interco est constituée parce que c'est une obligation légale, elle peut très bien voir ses budgets augmenter et son coût unitaire de service augmenter. On revient toujours aussi à la volonté des élus, mais qui... Je vais rajouter quelque chose aussi qui va un petit peu dans ce sens-là et qui répond à ce que disait Arsène, c'est que quand on anime, tout à l'heure je parlais de réunions de secteur pour essayer justement de sensibiliser des élus et faire en sorte qu'on arrive à des réseaux intercommunaux, je leur dis, il y a une France à deux vitesses. De toute façon, je caricature un petit peu, mais c'est ça. Il y a la France rurale, puis la France urbaine. Dans la France urbaine, tout va bien. Il y a déjà des services qui sont là. Chaque commune a tous ses services en place. Et la mutualisation, l'interco, c'est justement mutualiser, donc faire en sorte qu'il n'y ait pas de doublons, pas de chevauchement, au sein d'une communauté qui est déjà constituée. Dans les communautés qui sont rurales, j'en dis, mais là, vous n'allez pas faire d'économie en investissement. C'est là où vous allez tout mettre. C'est dans le fonctionnement, mais dans 10 ans, 20 ans, vous allez faire des économies. Mais une fois que vous aurez développé le service, et tant que le service n'est pas développé, peut pas faire d'économie. Donc forcément que ça coûtera plus cher. Et c'est pour ça que je dis, il y a aussi deux vitesses de, entre le monde rural et le monde urbain. Est-ce que tu pourrais détailler un peu dans les très grandes lignes, en fait, les projets qui sont en train de se répondre entre les assemblées au niveau des grandes lignes, là, de, voilà, les métropoles, je ne sais plus de quoi tu as parlé tout à l'heure. Métropole, interco, ouais, voilà, départements. Oui, voilà, les départements. Mmh. Les départements, en fait, là, sauf modification possible, ils ne devraient pas. Il y aura de changements. Il y a certaines compétences qu'avaient les départements qui vont remonter aux régions, ou éventuellement descendre aux intercos. Mais par exemple, toute la compétence sociale va rester au département, la compétence sur les routes va rester au département, et l'école aussi, et la lecture publique. Et les archives. Et les archives restent au département. Qui eux ont un paragraphe complet. Mais sont les plus importants. Ben oui, il y a des lois sur les archives. Les régions vont avoir de nouvelles compétences. Et alors, il y a encore une question en suspens, c'est effectivement le maintien ou non de la compétence, de la clause dite de compétence générale au niveau des régions, qui n'est pas acquise. Si elle était acquise, les régions pourraient intervenir autant qu'elles voudraient. Si elle n'est pas acquise, les régions auront quand même une marge de manœuvre plus importante qu'aujourd'hui, par exemple, pour subventionner des projets lecture publique, des projets de bibliothèque. Dans la mesure où il y a la compétence culturelle, de toute façon, qui reste a priori partagée. Absolument. La compétence culture, sport, voilà, et tourisme. La compétence culturelle reste partagée. Voilà. Au niveau des intercommunalités, je ne sais pas si vous en pensez mieux, mais pour moi, c'est encore beaucoup trop flou. Oui. Parce que bon, y a la question effectivement de la taille des intercommunalités, du regroupement, du seuil, etc. Et puis il y a l'articulation, c'est le nœud de l'affaire, c'est l'articulation entre les communes et les intercommunalités. Je sais pas qui, je crois que c'est un député qui disait l'autre jour, on a fait tout ça parce qu'il y a 20 ans, on n'a pas été capable d'aller jusqu'au bout du raisonnement et de dire que les communes, il y en avait beaucoup trop et qu'il fallait résoudre le problème communal. Donc on a résolu le problème communal. D'une autre façon, on a créé les intercommunalités, on s'est aperçu que ça fonctionnait. Finalement, le bilan des intercos, c'est plutôt positif. Moi, je le vois justement dans les inspections quand on parle des départements. C'est parce qu'il y a eu des intercommunalités, par exemple, que des petites communes rurales ont pu construire une médiathèque qui leur a coûté cher. Mais qu'elles n'auraient pas pu avoir toutes seules, de toute manière. Donc, toutes seules, elles n'ont rien eu du tout. À 4 ou 5, elles ont eu une petite médiathèque, effectivement, qui a un très bon niveau de service. Quand elles se mettent d'accord. Comment ? Quand elles se mettent d'accord. Quand elles se mettent d'accord, c'est pas toujours le cas. Mais elles ont la structure qui permet de le faire. Et puis plutôt que d'avoir 5 salles de fête minables, elles peuvent en avoir une qui tient la route. Ah, ouais. Mais par ailleurs, tant qu'il y aura un chevauchement des compétences entre interco et commune, ça sera peut-être. Si on arrive effectivement à une répartition des compétences, à une hiérarchie des compétences, c'est plus difficile parce que les maires ne veulent pas perdre. Ouais, c'est typiquement la lecture publique, c'est ça. Le petit pas qui a été franchi, c'est que maintenant, quand on vote au municipal, on connaît les noms de ceux qui vont aller à l'interco. Oui. Et ça, c'est la première fois, ça fait un an, je veux dire. C'est peut-être aux prochaines élections que ça aura un effet. C'est comme la parité dans les conseils départementaux. Nul ne sait aujourd'hui l'effet que ça aura, mais c'est la première vraie parité dans n'importe quelle élection en France depuis l'origine des temps. Donc, ces genres de choses, aujourd'hui, on ne sait pas. Mais c'est en lien aussi avec la réforme territoriale. C'est-à-dire qu'il y a comme ça des avancées, on dirait, sociétales, dont on ne mesure pas les incidences, mais sur lesquelles je pense que nous, on a un devoir professionnel de construire des hypothèses et de faire des scénarios. C'est-à-dire que le temps que les élus sachent ce qui leur arrive, nous, on a intérêt à leur faire des propositions pour que le jour où ils soient décidés, ils arrivent à, comment dire, ils aient des choix plutôt que de décider et que nous, on a le temps pour nous. En disant qu'on doit mouiller, bon, on va faire la proposition. On va aller dans cette direction. Et c'est vrai que ça me fait la transition en disant qu'il y a ce cadre qui est prévu des conférences territoriales. Où là, vraiment, c'est l'endroit où ça a été c'est dans la loi, a priori. Ah, mais ça se précise. Ça se précise un peu. On connaît les conférences territoriales ? Non. Bon, ben, lequel des deux Oui, enfin, moi, je vais en dire un mot, vous pouvez compléter. J'ai pas, ah oui, c'est pas grand-chose. 16h10. Donc, la conférence territoriale, c'est vraiment l'objectif, c'est favoriser un exercice concerté des compétences. Donc, c'est un lieu Alors c'est, si je ne m'abuse, sous l'autorité du préfet de région. Et pour l'instant, c'est comme ça. Ouais, et donc il réunit les élus de, des différents niveaux de collectivité pour discuter de la répartition en fait, des compétences qui ne sont pas trop fléchées. Et éventuellement de chefs de file, etc. Chefs de file, voilà. Donc il y a les présidents de région, les présidents de département, les présidents de PCI et les représentants de communes, trois par département selon les tranches démographiques. Donc voilà, ils vont se réunir. Il y aura des commissions thématiques. C'est déjà acquis qu'il y aura une compétence thématique culture. Oui. Et donc c'est à l'intérieur des compétences thématiques culture que ben, nous, en tant que professionnels, il faut qu'on alimente les élus qui iront représenter, voilà, qui iront représenter les élus là, pour leur dire voilà ce que nous, les possibilités, ce que nous on souhaite, voilà comment on voit les choses. Après eux, ils se concertent et ils discutent. Mais et c'est pour ça que dans le cadre de l'ABF, on va faire une aussi au congrès ABF un nouvel atelier, parce que je pense que c'est les régionalement qui va aussi s'organiser de différentes manières pour porter des propositions, faire du lobby auprès de nos élus et de toutes les manières possibles, quoi. Voilà, avec des plans, des schémas, des conventions. On est toujours sur la notion aussi de conventionnement par rapport aux compétences qui seront entre guillemets évoquées et décider dans ces conférences. Il y a trois niveaux possibles, quoi. Parce que et qui vont alimenter des projets de loi ou des comment qui vont alimenter quoi? Non, qui vont alimenter les exécutifs, soit les exécutifs régionaux. Donc soit il y aura un plan qui s'appliquera à tous les niveaux, soit ce sera un schéma qui sera plus ou moins coercitif avec un partage, soit ce sera sous forme de convention. Et tous les c'est un esprit de contractualisation. Oui, voilà. Contractualisation, mais voilà. Avec toujours une place de l'État importante, puisque oui. C'est sous l'autorité et l'arbitrage du préfet de région. Et donc l'État souhaite encore aujourd'hui dire dans les arbitrages, je veux avoir le dernier mot. Voilà, je veux son rôle d'argent. Et bien, au congrès. Ok, donc voilà, c'est conférences territoriales, et je pense que c'est là, effectivement, une fois que la loi sera votée, qu'on y verra clair, entre guillemets, qu'on saura si voilà, il faut agir plus dans tel niveau, plus de telle manière, qu'on saura un peu plus sur comment agir dans ces conférences. Quoi. Et c'est ce que j'évoquais au début, hein, il faut vraiment continuer à se tenir au courant pour pouvoir faire des propositions aux élus. Quoi. Mais au final, vous pensez quand même que c'est... bénéfique de passer la réforme territoriale pour vous est un plus, enfin l'avenir des bibliothèques est je sais pas, on n'aura pas tellement le choix je veux dire c'est pas négatif quoi pour vous tout ce qui est la décentralisation et la voilà les compétences qui bougent dans alors je vous, laisse vous bah, je vais dire je oui vous allez là bien je voilà. Répondrai aussi ici autour de cette chacun table, c'est vrai qu'on d'ailleurs. S'est présenté sur nos fonctions professionnelles mais on est aussi association régionale, on est aussi ABF, on est aussi IABD, donc voilà, et que selon les cas on porte des paroles qui sont plus ou moins consensuel, discuter, etc. Donc là aujourd'hui, moi je dis je, je dis pas au nom de l'IABD, on en parlera à l'AG, on donnera des infos sur l'IABD et des rendez-vous et des choses comme ça. Personnellement, moi je ne suis ni pour ni contre, bien au contraire. Je peux le dire autrement. Voilà, je veux dire, c'est pas notre souci aujourd'hui dans cette salle ou au quotidien dans nos boutiques, c'est pas ce qui est en train de se décider. Je veux dire, entre deux échéances électorales, entre deux législatures, on a un Parlement qui est constitué d'une Assemblée et d'un Sénat avec leur navette, etc. Ce qui va se décider entre eux, aujourd'hui, on n'a aucune maîtrise dessus. À la marge, en tant que représentant d'associations professionnelles, on arrive parfois à faire passer un amendement avec l'IABD. On a réussi 2-3 coups trop mal, à mettre un pied dans la porte, à obtenir quelques exceptions au droit d'auteur, des choses comme ça. Mais rien, pas de quoi sauter en l'air non plus. Voilà. Donc, aujourd'hui, nos échanges, ce n'est pas pour dire quel est notre pouvoir d'action sur ce niveau de décision, c'est quel est notre pouvoir d'action sur notre quotidien. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Un atelier, c'est un endroit où je peux agir sur ma réalité. Après, je peux me heurter à un mur, hein, je peux retourner voir ma direction et qui me dit « c'était bien, mais... » Je suis sérieux quand même. C'est-à-dire que on a une part de travail à faire, c'est-à-dire que, mais je l'ai déjà dit deux fois, je crois, hein, c'est-à-dire, si on ne veut pas subir, il faut qu'on construise des alternatives, des scénarios, qu'on apporte des arguments. Ça nous demande une mobilisation, c'est vrai. Ça veut dire qu'on doit faire de la veille, on doit lire, on doit discuter, rencontrer, on ne doit pas hésiter à se confronter, parfois affronter, mais ce n'est pas toujours la seule issue. Parfois, on se confronte sans s'affronter, à la fois à nos hiérarchies, à nos élus. Mais je crois que c'est vraiment très, très important d'avoir une vision un peu avec du recul. Parce que j'ai bien entendu, je crois, parce que je l'ai entendu par ailleurs, et puis j'ai vécu aussi dans certaines collectivités, la volonté de se dire, j'ai un personnel, corvéable, merci, j'ai un besoin là, je prends un tel et je le mets là. Qui n'a pas entendu dans son équipe, oui, on est des pions. J'ai entendu des milliers de fois depuis que je suis dans la fonction publique. Mais on peut l'entendre partout d'ailleurs, dans le privé aussi. Voilà. Pour ne pas être des pions, ça veut dire qu'il faut qu'on ait une fonction, un statut, des compétences qui soient identifiables et qui soient connectées au plus près à des missions. Et plus on travaille cette articulation mission-compétence, et ce matin, on a eu des belles phrases là-dessus sur la formation, je ne sais plus quel était le terme de Tony, enfin voilà, comment ils pensent, eux, la formation continue par rapport à leur équipe, qui est semi-public, semi-privé, hein, qui n'a pas exactement les mêmes contraintes que nous, et qu'on a une budgétaire plus forte que la nôtre, c'est que s'ils rendent plus d'argent, ils n'existent plus. Alors que nous, on a de la marge. On peut coûter longtemps avant de disparaître. Alors ça, c'est une parenthèse, mais je reviens au sujet réel, c'est que par rapport à ça, l'articulation, mission, compétences, formation, etc., c'est notre meilleur argument. C'est que à quoi on sert ? Construire ça, c'est éviter d'être nommé n'importe où pour aller faire des choses sur lesquelles on n'a pas été formé, mais tout simplement parce qu'il manque quelqu'un et qu'on nous considère comme surnuméraire à côté. Voilà. Donc moi, ça me fait reposer ma question de la fin de l'année. On n'a pas préparé. Hein. Effectivement, aujourd'hui, je trouve que ce dispositif, il n'est plus assez équilibré. Il n'a peut-être jamais vraiment été sur le plan de la formation, mais il est là. En fait, je trouve qu'il y a un hiatus de ce côté-là pour affirmer cette compétence dont tu parles. Et je pense que la fonction de médiation culturelle, qui est un des tournants auxquels on invite les bibliothèques, et qui est assumé par une partie, effectivement, de nos collègues dans nos effectifs, est loin, mais alors très loin, d'être une fonction majoritaire dans le temps de travail des bibliothécaires. Et donc, c'est vrai que ce passage-là, en termes d'affirmation, s'il ne se fait pas, on est dans une position, enfin, c'est notre pied d'argile, je pense, pour les mois et les années à venir. C'est justement comment réaffirmer une compétence forte dans ce domaine-là, alors que même quand on essaie de l'affirmer, parfois, on nous la retire. C'est-à-dire que c'est aussi ça, c'est que finalement, au nom de la mutualisation, on va vouloir affirmer une compétence dans des domaines qui ne sont plus les nôtres et pour lesquels la collectivité a déjà mis en place du personnel compétent. Oui. Et donc on nous renvoie le miroir en nous disant mutualisation, regarde-toi. En fait, vous avez besoin d'un régisseur, ce qu'il vous faut là, c'est un régisseur, on a un régisseur, et ce qu'il vous faut là, c'est un animateur multimédia, donc on a des filières animation dans laquelle on va retrouver des compétences de ce type, Et on n'a plus besoin de bibliothécaire. Et le poste de bibliothécaire s'évapore quand même au fil des départs en retraite, comme tu l'as évoqué. Mais dans la médiation, il n'y a pas quand même que des régisseurs, etc. Il y a quand même aussi beaucoup d'autres choses. Et moi, je voulais dire, la mutualisation, justement, elle devrait se faire sur des tâches répétitives qu'on fait encore au niveau national. On est encore des tas de personnes à faire au niveau national les mêmes tâches. La mutualisation, à mon avis, devrait être là. et puis qu'on ait du temps pour faire de la médiation qui puisse être cette de notre cœur de métier aussi. Il faut la créer, il faut la prouver. À ce sujet, moi j'ai une anecdote, j'ai une collègue, on va avoir une nouvelle bibliothèque dans un quartier qui va être moitié sociale, moitié bibliothèque. Ouais. Et donc il y a une collègue à qui on a proposé d'y aller, on l'a prévenue, on lui a dit tu seras, attention, un peu plus animatrice sociale que bibliothèque, alors qu'elle est vraiment agent de bibliothèque. Et elle a dit, mais c'est pas de ma compétence. Et on lui a répondu, avant tout, tu es fonctionnaire. Tu es fonctionnaire avant tout, avant d'être bibliothécaire. Donc, elle n'a pas son mot à dire. Si on a décidé qu'elle deviendrait animatrice sociale dans ce point du réseau, elle sera animatrice sociale, parce qu'elle est avant tout fonctionnaire et elle a le devoir d'obéissance. Mmh. Donc voilà, il y a des... Après, c'est une lutte qui se fait autrement en interne. C'est une petite anecdote pour dire, voilà, la formation professionnelle. Mais c'est une bonne illustration de cette crainte de du transfert des compétences et tout ça. Et je ne néglige pas, je veux dire, dans mes propos, moi ce qui m'importe, c'est qu'on voit comment on peut sortir par le haut de n'importe quelle situation. Ouais. On n'est pas là pour se lamenter entre nous, mais des exemples comme ça, on en a des dizaines, des centaines. Voire plus. Mais je pense que aucune situation n'est fermée. On voit bien, il y a des alternances politiques, il y a des alternances administratives aussi, parce que l'administration en général est plutôt dans la longue traîne par rapport aux échéances électorales, mais il n'empêche qu'il y a aussi des changements de culture qui tiennent aussi à des personnes dans des collectivités. Et que on doit aussi se sentir impliqué dans ces choses-là, parce que si on n'est pas acteur, si on n'analyse pas les rapports de force, si on considère qu'on a une direction qui doit s'occuper de ça à notre place, si on considère que on peut rien faire parce que les élus ou parce que les DGS, DGA ont décidé, effectivement, bon, dans ce cas-là, la discussion s'arrête, mais je pense qu'on est aussi dans un mode d'organisation où on a des possibilités, on a des circuits, et on a des droits qui nous permettent de faire avancer ces choses-là. À la mesure où on n'est pas dans la revendication individuelle, on est dans une revendication qui est celle de la reconnaissance d'un service public qui est dans toutes les bouches de proximité, le plus fréquenté de France, etc. C'est-à-dire, on peut mobiliser le florilège des déclarations de nos ministres, par exemple. C'est exceptionnel. Avec ça, on a un boulevard. Donc, ça, c'est juste pour préparer le terrain et désamorcer les mauvais procès d'intention. On n'y va pas pour soi, on y va vraiment pour dire, regardez, vous êtes tous d'accord. Donc maintenant, on voit comment on peut construire ça. Ce n'est pas en déplaçant les gens ou les agents comme des pions, évidemment. Je ne dis pas comme ça qu'on l'empêche du jour au lendemain en claquant des doigts. Pour moi, c'est toujours des questions de mise en place, de procédures. J'ai parlé de contractualisation et de négociation, évidemment. Et c'est vrai que tout ça doit aller, entre guillemets, il faut penser, enfin, ce que nous, on doit proposer en tant que professionnel, c'est finalement, vis-à-vis de l'usager, qu'est-ce qu'on va apporter à l'usager pour qu'on soit crédible, et notamment dans le cas des intercos, c'est de se dire, quel objectif par rapport à l'usager. La mutualisation doit permettre, on l'a déjà dit, d'étendre l'offre. Finalement, peut-être dans le domaine de... on a parlé des ressources numériques, simplification avec des systèmes de cartes uniques, la circulation des documents qui est facilitée, mutualisation sur un service qui est finalement accessible à plus de gens. Contribuer aussi au lien social de proximité. Et c'est là où on peut défendre justement notre présence et pas être un pion en disant on est dans la proximité et donc on joue à la fois sur la mutualisation et sur la proximité dans les territoires. Je pense que c'est ça qui défendre la subsidiarité aussi, c'est-à-dire toujours ce principe de dire il faut exercer la compétence au plus près de là où c'est utile. C'est pas la peine de mutualiser quelque chose de très compliqué au niveau interco. Donc là aussi, par rapport à sa situation, il faut être lucide et dire c'est pas la peine de faire un système de prêt qui sera et que tout le monde doit aller à Bordeaux. Enfin, je suis mais les gens peuvent prendre leur livre à Ferdinand, mais ils doivent faire le prêt à Bordeaux. Enfin, je sais, un truc caricatural, mais voilà. Il y a une des diapositives sur la fin de la présentation de Tony ce matin qui disait voilà nos quatre cibles principales. Les publics empêchés, la jeunesse, les personnes âgées. Et puis de toute façon, on continue à s'occuper de tous les autres. Donc en fait, avec une diapo et une phrase, il disait que en fait, les missions, c'est la totalité de la population. Simplement, dans la façon de le présenter, l'élu, il se dit, ah oui, ça me cause parce que ça accroche sur les choses, soit sur lesquelles j'ai été élu, les promesses, soit sur lesquelles je suis sensibilisé. Ça peut être, on leur fait le crédit de penser qu'ils peuvent croire à leurs engagements, bien sûr. Hein, c'est enregistré. Quand même. Sur un site internet. Voilà. Non, mais c'est exactement cette chose-là. On a cette conscience vraiment... très forte, qu'on est sur du service public, du bien commun, du partage, de la connaissance et de l'accès pour tous. On sait aujourd'hui qu'on ne sait pas s'en donner tous les moyens, en particulier sur les heures d'ouverture, mais par contre, on sait qu'on est assez bon sur les contenus, on n'est pas mauvais sur la médiation. Donc, appuyons-nous sur nos points forts et travaillons sur ce qu'on pourrait développer. Derrière, ça nous fait quand même des arguments défendables, quelle que soit notre future tutelle, qu'elle soit municipale, intercommunale ou départementale. Mais la mutualisation même des horaires d'ouverture, elle peut être vue en réseau. C'est-à-dire, on peut dire, il y a deux médiathèques, par exemple. Il y a deux médiathèques qui sont à 10 km d'intervalle, et elles ont des horaires complémentaires. Il y en a une qui est ouverte le lundi, l'autre pas, et voilà. Donc, et du coup, on dit, voilà, vous avez un réseau accessible, c'est 6 jours sur 7. Les élus sont contents de communiquer là-dessus. Alors, des choses très simples. Ça, c'est un projet qui a été fait sur deux communes, effectivement. On est à 40 heures d'ouverture en partant de 20 plus 20. Oui, mais non, mais il y a des bus, là. Ah oui, des bus. Ça serait bien aussi de mutualiser toutes les tâches techniques. Oui, bah ça, j'allais dire, ça paraît forcément évident, mais il faut le redire, mais bien sûr. Voilà, le problème, c'est notre quotidien la plupart du temps. Mais ça s'externalise de plus en plus aussi. Oui, voilà, il y a un. Soit on est externalisé, soit on mutualise en réseau. Peut-être pour les bibliothèques qui ont réussi à franchir le pas, mais je pense que pour une grande majorité des bibliothèques, ce n'est pas le cas. Les bibliothèques qui ont réussi à franchir le pas, donc on a vu les arbitrages budgétaires, où le budget de fonctionnement étant revu à la baisse, il a fallu baisser le budget d'externalisation. Et donc du coup, aller à l'encontre de ce qui était engagé depuis des années. Et ça, Vous revenez en arrière par rapport à ça, Strasbourg est donc partagé avec le réseau des 13 médiathèques qui est sous une même direction. Il y a deux directions adjointes, donc une direction de ville de Strasbourg et une direction Eurométropole. Et sur la direction ville de Strasbourg, le budget de fonctionnement ne permettait pas les choix qui ont été faits, les arbitrages qui ont été faits, c'était... on a dû, le collègue a dû baisser son budget d'externalisation. Donc c'était pour l'équipement, essentiellement. Oui. Et ça, il y a des contraintes budgétaires aussi qui amènent aujourd'hui, il y a même cette souplesse-là parfois qui permettait d'avoir un levier vers l'extérieur avec un appui financier. Elle n'est plus aussi évidente que ça. Enfin, en tout cas, là, très clairement, ça s'est joué dans les deux cas d'ailleurs, mais de façon assez significative. Il peut y avoir effectivement des effets pervers. C'est des choix. Il fallait répartir la baisse budgétaire et la répartir justement sur des postes un peu moins stratégiques que la commission de collection. Parce que nous, justement, à Metz, on a un atelier de reliure qui s'occupe de l'équipement, qui travaille vraiment en artisanat aussi, enfin sur l'artisanat de la culture. Et la mairie de Metz parlait d'externaliser. Donc ça met en danger cet atelier de reliure qui va se voir diminuer au niveau des effectifs, encore une fois. Voilà. Ça ne règle pas tout, l'externalisation. Pas tout. On est externalisé en niveau informatique. Je peux vous dire que s'il n'y a pas quelqu'un qui est compétent sur place pour au moins faire remonter les informations de premier niveau, C'est, ça marche pas quoi. Bah, il faut nous, par exemple, le samedi, de toute façon, quoi qu'on interne, nous le samedi, on n'a pas, pas de soutien informatique si on tombe en panne, parce que c'est donc la DCSI, c'est oui, l'agro, et du coup, on n'a plus d'informaticiens. Donc, si ça tombe en panne un samedi, on est. On avait deux informaticiens qui travaillaient à la médiathèque. Et dans le cadre de la réorganisation des services suite au changement de majorité de la ville de Limoges, hein, qui était historiquement une ville de gauche depuis je ne sais pas combien, depuis que la ville, la commune existe. Est commune, que la gauche est gauche, je ne sais pas. Ouais. De tout temps, de toute éternité. De toute éternité, ben, voilà, c'est fini. Donc bon, bref, il y a une refonte complète des services. Et nos collègues informaticiens qui étaient vraiment hyper pointus. Bon, en plus, nous, on travaille sous le logiciel libre entièrement et tout ça. Enfin bon, voilà. Qui étaient super pointus parce qu'ils connaissent très bien la bibliothèque, le travail de la bibliothèque et tout ça, puisqu'ils travaillent avec nous. Donc c'est d'un confort extraordinaire. Hein, parce que quand on dit, on parle d'exemplarisation, de machin, de trucs, ils savent, et de localisation, ils savent tout, quoi. Et tout est paramétrable en plus dans le logiciel libre. Et ils vont repasser là, le mois prochain au pot commun de la DSI. Et quand on va téléphoner, ben on aura le plateau, on aura la DSI, quelqu'un anonyme, voilà, à qui on va devoir expliquer notre problème. Et là, alors là, il faut toujours commencer à chaque fois. Et qui fait, qui sera là ou pas là, dispo ou pas dispo, c'est pas tellement comment ça. Alors c'est pas vraiment une externalisation, c'est pas une externalisation, c'est quand même des personnels municipaux. Là, je redis, c'est pas lié à la réforme territoriale. Non, voilà, là, c'est pas. Je ne néglige pas du tout, je sous-estime pas le problème, mais il n'est pas de la nature. Pour conclure, oui. Avec la décentralisation, quand même, on va perdre des compétences quand même. Non, c'est au mutualisme, mais pas dans les communes ne perdent rien. C'est plutôt les régions et les départements qui n'auront plus de clause de compétences générales. Mais les communes et les intercours gardent cette compétence générale. Donc là-dessus, il n'y a pas de perte pour, au niveau des compétences. Alors pour conclure, vous l'avez compris, je le redis, l'objectif, ce qui est important pour nous en tant que professionnels, c'est vraiment de faire de la concertation entre nous, déjà au sein des équipes, avec des réseaux existants, s'il y a déjà des perspectives de réseaux à venir. C'est-à-dire, voilà, il faut quand même commencer à parler avec les collègues, ce qui se fait par exemple. Vraiment se concerter, ou des réseaux qui vont se construire. Vous dites, bon, là, on va passer à 20 000, donc forcément, ça va être un tel et un tel. Donc, vraiment faire une concertation. Préparer toutes ces conférences territoriales pour être en mesure de faire des propositions aux élus. Vous l'avez compris, il n'y aura pas de schéma directeur, donc il ne faut pas attendre. Il faut vraiment que ce soit vous qui fassiez des propositions. Il faut orienter vers le service aux habitants. Il ne faut pas se placer du point de vue de soi en tant que professionnel, mais vraiment de se dire, voilà, quelle est la plus-value de la mutualisation qu'on pourra proposer ou des mises en commun qu'on pourra faire en direction des habitants. Et puis aussi s'associer à d'autres politiques de la collectivité ou de la future collectivité. C'est-à-dire, bon, pour un département, c'est évident. Pour nous, c'est utile de s'associer aux politiques sociales. C'est-à-dire, se dire, on va aller travailler avec la PMI, on va aller travailler avec d'autres politiques. Ça permet aussi de solidifier ce qu'on fait. De se dire, on ne travaille pas que pour la culture, mais on a aussi un rôle social, on a aussi un rôle éducatif. Et ça aussi, il faut penser stratégiquement de défendre de ce qu'on fait vis-à-vis d'autres politiques aussi. Voilà. C'était un peu conclusion. Aider à décloisonner ces schémas qui sont très, très... chaque élu, adjoint ou délégué à son secteur. Et la bibliothèque ou la lecture publique en général, que ce soit sous l'approche musicale ou numérique, peu importe, doit vraiment être vue comme une transversalité et quelque chose qui ressort de toutes les délégations. Même l'économique, vraiment, on est historiquement trop frileux de ce côté-là. Voilà, et ça relégitime aussi un peu ce qu'on fait, même si on fait de l'éducatif, si on fait du social, mais l'affirmer, l'écrire, chercher des partenariats, ou au moins afficher ce qu'on fait déjà, ça permet aussi de se dire, oui, la bibliothèque, c'est pas que la bibliothèque. Ça s'inscrit aussi dans la politique globale de l'interco, de la ville, du projet politique, des élus. Voilà. Voilà. Ben, merci. Bon courage à tous. Alors, est-ce qu'on leur chante un peu on peut leur chanter une petite chanson. Moi, je suis juste. Si, un peu plus. Ah non, mais moi, elle est pour la chanson. Non, mais moi, j'ai fait la proposition. Après, on peut pas tout faire. Il y a ça que je connais pas de chanson. Une chanson pour l'interco, tu veux dire ? Pour la. Bah. La chanson de l'interco. Oui, c'est ça. Ça ira mieux demain. Il y a Goldman. Il est très engagé, il ne faut pas dire n'importe quoi. Ouais, il y a un problème. Hein. Voilà ici, c'est du classique. Hein. C'est soleil. En fait, on est pour le débat, c'est en position l'hiver. Ça, c'est d'accord. Bon. Tu peux pas me dire des bêtises, mon vieux moi. Parce que tu as enregistré. Ah, ça, c'est. Tu veux en parler à ton psy, ça. Non, non, parce que justement, tant que c'est un. Parce que, non, je peux pas tenir plus d'une heure et demie sans dire de bêtises. Il faut l'éteindre que je puisse me redevenir naturel. Ah, naturel. Tu sais, tout.